OK, fait que là, Max, techniquement, ça devrait enregistrer. Ça enregistre. ajustez vos micros, être confortable tout de suite. Si j'ajuste, j'assume. Je vais tasser la lampe un peu. On va aller fermer la musique. On va retourner dans la chose. Fait que là, les micros sont fonctionnels. Le monde va nous entendre. Et 3, 2, 1, podcasting time. Hey! Hello! Salut, guys! Hello, hello, hello! Comment ça va? Ça va très bien. Tu parles-tu à nous autres? Ou... Je parlais à eux autres, okay. Mais nous autres aussi, on peut parler à nous autres. Moi, j'ai entendu une réponse de Twitch. J'ai entendu, elle arrive pas, la réponse. Ils sont pas forts. Ah ouais? Qui c'est nous autres qui est pas fort? Plus fort? Plus fort. Ça va mettre au bout. T'as, c'est ce qu'il y a qui a pas encore parlé. Ah, mais à Koufen, c'est, allô, c'est bonjour. Pas parce qu'il est un peu saut. Ben, sûr. D'un autre côté, le Chris, on pique solide, là. Ouais, on va aller t'as le deux secondes, on va aller le tester, là. On va voir ce que ça donne. Fait que là, je suis en train d'écrire dans Fortnite Québec, je suis en train de dire les admins du groupe sont live, on va parler du calice, futur du ça va bien. Le son, y'a-tu mieux live? Ça a-tu plus de sens, Twitch? Êtes-vous à l'aise avec ça? Chris, le son, il est bon, man. Ça marche bien, le son, là. Bon. Willy. Ça pourrait être plus fort. Ton son, est-tu correct, Max? Pour moi, le son est correct. Nous autres, le son est parfait de notre bord. À la limite, craquer le volume. Ouais, ou... monter le volume, guys. Ouais, c'est ça. Le son est dans le tapis, puis je vous entends pas. Pourtant, nous autres, c'est... Enlève tes écouteurs. Furious Angel confirme. Ok. Essaye donc sur le laptop. Ben, il vient de l'essayer. Ah, puis... je pense qu'il a pris son téléphone. Ouais, j'ai 4 minutes. Essaye avec le laptop. C'est un bug qui est relié. C'est pas très fort. Pour vrai? Chris, ok. On va faire de quoi, man? On... Ouais, non, ça. Oublie ça. Donc, s'ils nous entendent pas, c'est le temps de parler dans le dos de nos auditeurs, c'est ça? Puis là, oh, si j'enlève ça, hey, moi, là, c'est dans la panne. Allô, allô, moi, c'est vraiment dans la panne à mon bord. Dans la console, sinon, Milter, oui. Sur la petite boîte qui est en haut de l'ordi, sur le numéro 1, je te suggère de booster ça un petit peu, là, où est-ce que la lumière a flash, là, tranquillement, tranquillement. Tassez vers la droite. OK, fait que là, techniquement, c'est-tu plus fort de votre bord ou... On vient de monter le son un peu, là. Donnez-nous un petit 20 secondes de délai. Techniquement, salut, ça... Marie-Pierre. Parce que là, je sais pas, là, c'est le même setup que d'habitude. Peut-être qu'ils nous entendent pas d'habitude. Ah, ça, peut-être d'habitude, ils nous écoutent à mute. Ils pensent qu'on est là, un podcast de mime. Là, je te dis, c'est pas fort. OK, t'as peur, là, on va essayer de remédier à ça, guys. Okay. Comme diraient certains faut podcasters... Faut-tu tourner encore l'affaire? Américains, a garbage truck on fire. Hello, c'est pas un podcast, on parle pas avec quelqu'un qui est pas à l'aise avec le son. C'est vrai pareil, hein? Qu'est-ce que c'est dans la panne? Le goal est au bout. Parlez donc dans le micro, là, Marc. Je parle dans le micro. Je suis en train de parler dans le micro alors que je travaille sur mon téléphone à faire une recherche. Parlez donc dans le micro, là, Marc. Je parle dans le micro. Je suis en train de parler dans le micro. Infinite loop pour prouver que le son marche très bien, man. La dernière fois, ça, j'ai été infinite loop of quality sound. Bon. Fait que là, c'est beaucoup mieux. Avez-vous la loop infinie ou... My bad. C'est pas ça, Rick. Au moins, elle sonne bien. Ouais, c'est ça. Milter, on l'entend pas dans son micro, par exemple. Comment ça qu'on m'entend pas? Hey. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi qu'on t'entend 1, 2, 3, pas? 4. Ben non, c'est juste le micro numéro 5. Ça, c'est correct. Okay. Il est pas activé, le micro 5. Tout est bon, bon! Yeah! Oh. Saison 2, André. Saison 2. Saison 2 sans bavure. Quoi, saison 2? C'est ça notre slogan pour la saison 2. C'était écœurant, sans ça. Bavure. Après 5 ans. Après 5 ans, ça fait 6 ans en fait. C'est-tu 6? Là? Ok, on est retourné à 6 maintenant. Là, ou... Non, non, c'est 6. C'est vraiment 6. 6 en octobre. C'est ça? Ben, je sais pas. Check sa page septembre. Facebook. Ben, on a une date de création pour un anniversaire. Pour toute parce que moi, je me souviens très bien du mélange du création du groupe et du podcast. Ouais, mais moi, je me fie à la date de la page. Mais c'est ça, la page. La page, c'est le podcast. Le oui. Groupe, c'est le. Mais t'avais fait la page le avec le groupe avant que le podcast soit sorti. Ah ouais? Ouais. Ah, ok. Bon, on a t'étais déjà... forward thinking comme ça, Andy. On a déjà Commander Root qui nous suit. Excellent. Salut Commander Root. Fait que merci pour le follow. Fait que guys, c'est bienvenue dans saison 2. On est dans les studios présentement. C'est-tu moi, on aurait dû enregistrer quand il n'y a pas de petite canicule. Ben, ça me fait chaud dans le crise de studio. Mais toi, il fait chaud en ce moment. Non, mais il fait pas chaud. Hein. André vient de subir de la chaleur. Non, je suis tellement stressé. Hein. Mais le son, quand non, le son t'a stressé. Fais pas semblant. Même pas, on te connaît assez. C'est la saison 2. J'ai plus de stress avec le son. Sais-tu pourquoi? Parce que l'audio, il enregistre bien. C'est ça. Quand l'audio enregistre bien, on se crisse du reste. André va bien. Bon, fait guys, êtes-vous prêts? On commence tout ça? Oui. Toujours. Bon, fait que là, on va être prêts pour le deuxième fuck-up de la soirée. On va partir de la transition, puis on revient au podcast. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue au Geek Collectif, le podcast. Mon nom est André Paquette, animant ce soir une émission de culture populaire et impopulaire. Plus populaire. Pourquoi plus tu me regardes en disant impopulaire? Non, je te regarde en disant populaire. Toi, c'est impopulaire. Les gars, arrêtez. Je vous aime tous égal, vous êtes tous ma famille et je vous aime. Donc, accompagné ce soir de Jonathan Milter. Bonsoir. Comment ça va, Joe? Popé. Ça fait différent du mini-fest de t'entendre réellement parler dans le micro. Un peu, ouais, c'est vrai. J'ai écouté l'épisode puis je me sentais un peu awkward de parler de ça. On n'entend vraiment rien. Au début, on t'entend fuck all, man. Non. Puis un moment donné, t'as comme un micro béni du ciel qui arrive par chat. Ah, c'est vrai, il y avait le problème de micro. Là. Exact. Accompagné également d'Éric Hébert. Allô André, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va super bien. Vraiment, là, je me sens très, très, très bien. Moi, je suis content à soir, honnêtement, parce que ça fait longtemps qu'on attendait ce moment-là. On a eu du rodage en plus. On a eu justement les lives au Minifest. On a eu le live à Valleyfield. On a eu aussi l'épisode avec Rétro Nouveau pour le E3. Puis là, la sortie du centième. La sortie Hey, j'ai enfin sorti le Chris de centième. On a sorti plus d'épisodes dans les derniers 30 jours que dans les derniers 6 mois. Mais no joke, j'ai passé proche d'aller acheter une bouteille de mousseux juste pour le trip de faire fuck le centième. Oh! Puis de la popée. Accompagné également de Guillaume Hamel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Guillaume. Je voulais juste la jouer un peu. Solennel. Ouais, solennel slash élite. Pour ne pas dire colonel. Aussi. Si ouais. Ça te tente. Ça me tente certainement. Fait que, écoutez, bienvenue à cet épisode numéro 1 de la saison 2 du collectif qui va être le thème de ce soir. Fait que. Je me suis pris des notes pour corriger déjà certains mauvais plis. Donc, premièrement, au collectif, on aimerait prendre un instant parce que là, ceux qui sont dans le live présentement, vous ne l'avez pas entendu, mais ceux qui vont écouter la version audio ou qui écoutent présentement la version audio, podcast intemporel, vous avez eu le plaisir d'entendre notre nouveau thème sonore composé par Steve Vernier. Steve, c'est le gars qui compose les thèmes du collectif depuis qu'on a réalisé qu'on avait la même chanson que Fun Jouer Jeu. L'épisode 3, je crois. Ou 2, je pensais même le premier. Là, ce qui prouve que le podcast québécois, comment je peux vous dire, puise sa force dans les royalty-free assets sur Internet. Shout-out à Joël Martel. Exactement. Sébastien Bouchard aussi. Ouais. Damien Boudreau. Ce qui est cool ce soir en plus, c'est Daniel. Vous allez voir dans la saison 2, plusieurs épisodes, vous allez entendre des sons weird qui apparaissent des fois tels qu'un « Oh yeah ». Ben ça, c'est les sons des gens qui sont avec nous sur Twitch. Il va avoir justement tous les follows, il va avoir toutes les interactions des gens. Fuck you Twitch, j'ai désactivé les emotes sonores, fait que Will, suck it, ça marchera pas. Et également, la présence de Guillaume est avec nous ce soir, mais on a un joueur silencieux avec nous aussi qui va être visible dans le chat. On a notre bon vieux Max. Max, plus fort que les gens t'entendent. Bonsoir tout le monde. Max qui va être avec vous sur le chat, ça va être notre Vanna White du chat Twitch ce soir, qui va modérer, qui va nous avoir des interactions c'est avec nous. C'est The Guitarist. C'est The Guitarist sur le chat, fait que Max il va pouvoir nous alimenter avec vous. C'est un show qui se dit interactif. Si vous avez des questions, si vous avez n'importe quoi, si vous voulez envoyer du gros love aussi, vous allez pouvoir le faire. Donc, Milter, parle-nous donc de Steve Vernier, le Steve qui a composé les thèmes du collectif à date. Lui, il y a un projet que les gens pourraient aller encourager. Je pense que c'est disponible sur Spotify aussi Steve, également. Steve, c'est mon ancien coloc, un très bon ami à moi, un gars qui travaille chez Ubisoft, mais ça, c'est comme 40% du Québec là, qui travaille là, fait que ça compte plus. Steve, il y a plusieurs, je te dirais, le connaissant, un projet musical, plein de bands de hardcore dans le temps, puis des affaires de même, mais il aime aussi faire de la musique pour lui, à l'ordi électronique. Puis, le comment dire ça, quand j'ai parlé la dernière fois, le projet qui me dit de promote... Ça, tu as demandé, tu veux plugger quoi? Là? C'est quoi, tu veux plugger de quoi, premièrement? Puis, t'es comme, de quoi plugger de quoi? J'ai dit, ben Chris, c'est toi qui as fait notre tune, on veut juste plugger de quoi? Je suis-tu, moi, cassé? J'ai rien à vendre, je suis pas... Il est le même, Steve, tu sais, il est pas... un bon Jack. Oh, c'est pas un money maker, un money grabber, là, tu sais. Steve, c'est-tu le gars que t'as la vidéo sur YouTube parce que vous dansez? Oui, c'est exactement cool, lui. Mais c'est une autre histoire. C'est un bon plus... Jack. Ouais. Oh, non, c'est un bon gars, le meilleur chum. Puis son projet, c'est, juste pas fucker le nom là, comme faut, c'est Citizen Bloop. B-L-O-O-P. Exactement, Bloop. Puis c'est Space Swagger, l'album. Tabarnak, metal all over the place, man. Puis la pochette, là, je te dirais, c'est un genre de bonhomme d'un RPG futuriste, mais médiéval futuriste. En tout cas, c'est du Steve, carrément. C'est une pochette là. D'anachronisme. C'est n'importe quoi, allez le voir. C'est carrément comme... Comment tu as décrit ça, André, tantôt? Du fast-paced chiptune. Oui, j'ai sûrement dit ça. C'était quelque chose de même. Puis... Du proto-punk beatnik chip experimental tune. C'est ça. Non, mais c'est du électro chiptune. Mais sans doute, quand t'as envoyé le lien cette semaine, j'ai écouté une couple de tomes, c'est vraiment nice. C'est cool. Puis j'étais pas surpris parce que nos intros sont quand même vraiment ouais, nice. Oui, c'est aussi. Ça, c'est lui qui est fait. Fait que si vous aimez le son ou whatever de nos intros un petit peu. Juste vous mettre en contexte en plus, c'est super le fun parce que pour nos intros, on a toujours un genre de circle weird où. J'explique à Milter ce qu'il peut demander à Steve s'il est à l'aise en disant deux, trois idées qui me popent dans la tête, qui sont très floues. Milter transmet à Steve. C'est Steve comme envoie le téléphone arabe. Le téléphone arabe musical québécois du podcast. Genre, du chiptune podcast. Fait qu'il nous renvoie un sample, puis là, je suis tout le temps comme, OK, c'est spot on, faudrait juste changer telle affaire. Puis la deuxième version est toujours incroyable. Fait que Steve, un gros merci, t'es avec nous autres depuis le début. Imagine si tu parlais à Steve du premier coup à place, comment ça serait encore plus simple. Ça serait malade. Ben, j'ai déjà parlé à Steve, je me souviens, c'était en 2000. Au début, tu m'avais en contact avec. Mais Steve, le show serait pas pareil si t'étais pas là, honnêtement. Fait qu'un gros merci pour ton aide avec nous. Ce serait le fun d'avoir un jour. Ben, ça pourrait être cool. Pourrait nous parler. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on voit les marches génériques dans Assassin's Creed. Non, mais lui, il s'occupe du mocap. Ben, c'est ça, je veux dire. Fait que c'est les personnes. Je trouve que les jeux de Ubi, il a déjà le moyen du swag quand il marche. Ben ça explique le space swag. Il a travaillé avec Frédéric de Grandpré pour Sam Fisher, parce que Frédéric de Grandpré, quand il n'est pas... pas Frédéric de Grandpré. Quand Sam Fisher n'est pas en action, genre, il fait juste des animations de move normal, c'est Frédéric de Grandpré. Michael Ironside pour tout le reste. Voix, mais pour les moves d'armée, c'est un genre de gars qui a tué du monde de vrai. C'est un gars de l'armée là, qui est là et qui fait des killbuts. Fait que Michael Ironside, c'est un gars de l'armée. Lui, c'est pas un gars d'armée, mais il a tué du monde pour de vrai, c'est clair. Sûrement. Là. C'est clair. Guys, on a un nouveau segment dans le show. On a remplacé l'actualité par quelque chose de beaucoup plus concis et beaucoup plus constructif. Parce que, tu sais, d'habitude, on radote, puis on perd 45 minutes du show, on vire sa brosse, puis on l'échappe. Fait que là, on va structurer un peu. Ça tombe bien, on perd déjà Milter. Mais en réalité, on this day, donc, qu'est-ce qui s'est passé? On enregistre le 11 juillet 2018 présentement, puis on va aller faire un petit tour dans des trucs qui sont passés le 11 juillet dans l'histoire. Nice. Le 11 juillet 2007, on a eu la sortie d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Cool, c'est ça. C'est celui Order avec... Phoenix, c'est le troisième, je celui que Dumbledore était pas Dumbledore? Order Phoenix, c'est Dumbledore, c'est le nouveau Dumbledore. Le nouveau vieux puis Dumbledore. Puis t'as aussi Edward de... C'est-tu Order Phoenix que t'as... Oui, c'est Order Phoenix que c'est le tournoi, non? C'est... Je sais même pas c'est quel des huit films, ça. Mais c'est ça, il y en a huit? Je sais pas, je pense. Mais Order Phoenix, c'est celui que t'as Edward... Mais c'est quoi? C'est Twilight c'est... dedans. C'est le 3, 4... Ah non, ça c'est Goblet of Fire. C'est Goblet of Fire, je mélange. Order of Phoenix, c'est le quatrième, ça. Quatrième. C'est le quatrième? C'est-tu le quatrième? T'as-tu ça dans les notes? C'est je sais Dumbledore? Pas, je l'ai pas dans les notes, en fait, mais... C'est quel Dumbledore? Dumbledore, c'est celui qui ressemble à Dabba Caracol, mais du menton. Ouais, parce qu'ils ont changé le Dumbledore. Le gros, tu sais, il est géant, là? Non, c'est Hagrid. C'est Hagrid. Dumbledore, okay. C'est le vieux pédophile, là. Pardon? Hein? Quoi? T'as-tu écouté le même film que nous autres? Ben, c'est pas lui qui est comme l'imitation je du pape. Je me sens mal. Ok, ouais, je sais pas de quoi tu parles en ce moment, mais non, Dumbledore, c'est le chef de l'école. Là. Ben oui, avec la vieille barbe blanche. Ouais, mais c'est pas un pape. Ok, si on continue en passant, j'aimerais juste dire deux secondes, Harry Potter, c'est quand même une série de films vraiment cool quand tu t'embarques dedans. Il n'y a pas grand film que tu vois des personnages grandir comme ça. Moi, j'adore les Harry Potter. Ça, c'est cool. Tu vois passer la puberté puis être awkward un peu. Là, mais ce qui est le fun. Pour ensuite se ramasser dans le derrière d'un autobus pour demander à quelqu'un s'il veut acheter de la magie pas chère. Mais ce qui est quand même le fun, c'est que le personnage, il va continuer à vieillir et jouer son âge. C'est pas comme. Ah, oh, l'acteur est rasé à 40 ans, mais on va encore le faire jouer un petit enfant de 12 ans. Tu sais, c'est le Watatata. Ça, j'avoue que c'est cool quand ils font ça dans les films. Non, mais c'était c'est excellent pour la série. Comme les Simpsons. Pour ceux qui chialaient sur le son au début, ben Max vient de vous envoyer la toune d'Harry Potter que vous allez pouvoir écouter et apprécier. aujourd'hui, c'est également le 11 juillet. Là, j'ai pas pris l'année, j'étais un bad animateur. On va guesser l'année. Frank Sinatra mariait sa quatrième femme. 54. Barbara Marx. 68. Quatre femmes. Je sais pas s'il a arrêté là. Je sais pas s'il a non, continué, pense, mais je pense pas qu'il a arrêté là. Moi, je pense que lui a dit « Let's take this where it goes ». La mère à Nancy? Marx? Non, je sais pas. Je sais pas. Ouais, Nancy Sinatra, ouais, hein, c'est une bonne question, ça, quand même. Dans la cour d'Éric. Parce qu'elle a une mère. Oui, oui, c'est ça. J'y souhaite d'avoir une mère, parce que sinon, ça serait pas un humain. Ben, c'est ça, c'est. Le cœur de plusieurs Japonais a changé en 1993 aussi. On a eu la sortie de Street Fighter 2 Turbo au Japon. Hé, hey, je fais encore de l'argent à cause oh, de mais ça. Mais Turbo! Turbo, oui. Ouais, Turbo. En fait, Street Fighter 2, il était Turbo. Déjà sorti, tu sais. Mm-hmm. Ouais, on l'oublie en plus combien que c'était une joke le Street Fighter 2, là, comment est-ce qu'il y a de version du Street Fighter ouais. 2, mais le Super Street Fighter 2 Turbo, c'est celui qui est le plus respecté. Fait que la minute que t'avais le Turbo qui embarquait dedans, c'était bon, puis ils l'ont sorti au Super Nintendo, celle-là aussi. Ben ouais, il semble que oui. Au Super ouais. Nintendo, ils étaient tous. En 93, on avait le t'avais Street Fighter, Super Street Fighter. Mais 93, en fait, c'était très nouveau d'avoir une deuxième version d'un deuxième version. Là. C'est le premier remaster, dans le fond, on pourrait c'est dire. C'est quasiment un remaster, ouais. Il avait monté la vitesse. Game of the Year avec des bonhommes. Si je me trompe pas. Tu mais pouvais c'est prendre. Super Street... C'est-tu Super Street Fighter? Ben, je sais pas, j'ai marqué Street Fighter 2 Turbo. C'était pas marqué prendre... Super Street Fighter 2. En 93, c'est Super Street Fighter 2. Au début, tu avais 8 personnes. Après, tu avais Vega, Sagat, le boxeur. Puis, mais ça, c'est, Bison. Ça, c'est Super Street c'est Fighter ça. 2. Puis après, tu as eu Turbo. Que le jeu y allait plus non, mais vite. Il y a un Street Fighter. Tu as eu Fei Long, je pense. Fei Long est venu avec toutes les autres. Mais il y a un Street Fighter 2 Turbo. Et il ouais, y a un Super ça. Street Fighter 2 Turbo. Ouais, ouais, je sais, il y a trop c'est de ça. Street Fighter. Moi, mais... en 93, là, oui. Mon expérience avec les turbos, c'était mon 486 DX33. Il y a un bouton ah, t'avais turbo. Le bouton en avant, là? Ouais, ouais moi, là, j'avais ça sur mon Pentium 75. 66-33. 66-33. Mais quand je jouais genre à Wolfenstein, ça allait aussi vite. Ouais. Mais Wolfenstein, oui, là, mais Doom, c'était mieux. Parlant de remaster, guys, en 2006, beaucoup de gens ont entendu parler de ce jeu-là. Même, je pense que c'était WoW3, ils en ont parlé, mais on a eu Prey qui est sorti au 360 et PC. Pas Prey, la version où t'es un Bioshock... dans l'espace. On parle, ouais, là, on parle de Prey où t'es un Indien qui ben, se fait kidnapper par des aliens ouais, dans un genre de Prey, vortex là. Weird. Mais j'aurais plus, vraiment voulu voir la suite. Un jeu ça, qui même. Était en énorme production limbo aussi. Un peu ouais. Comme Duke Nukem, parce que c'est en fait 3D Realms. Romero était rendu une diva. Non, Romero était parti. Il a fait son Daketana puis ailleurs. Mais Prey, c'était un side project. C'est une affaire de 3D Realms. Je me souviens pas c'était quel studio qui l'avait fait. Je sais pas si c'était 3D Realms qui l'a fait. Mais le jeu était vraiment bon, puis on va se dire les vraies affaires, la mécanique portail. C'était cool ce jeu-là. C'était là, le Portal, avant, comme Portal, c'est avant Portal. Portal ouais. Tu sais, le monde vont se rappeler Prey. Beaucoup de Portal, Portal 2, Portal, oui, Portal 2. Ouais. Portal ouais, et Portal 2, ils ouais. vont se rappeler de ça, mais honnêtement, Prey, beaucoup de monde s'en rappelle pas, puis beaucoup de monde n'auront pas joué à Prey aussi. Les graphiques vont peut-être vous faire grincer des dents un peu, mais moi j'avais bien aimé ça dans backward le compatible sur la Xbox One si tu l'as au 360 y'est-tu One X Enhanced il est 4K pas One X frames? Enhanced aucun des jeux de id sont One X Enhanced encore oh, mais j'attends que je pense que Rage va le devenir avant la sortie de Rage 2 je le souhaite mais Prey c'est un excellent jeu ma ATI 1500 le bien aimé ce jeu-là puis c'est un excellent jeu le jeu il commence en plus t'es dans un bar. Là, c'est t'es en train de chiller dans un esti de bar, en train de boire, en train de jouer au pool, en train d'être un Amérindien. Tu pètes pas quelqu'un avec un ranch au début, me semble. T'es un Indien qui se bat pas, mais t'es juste dans un bar en train de faire du shit, en train de peser ton bouton, en train de choisir de la musique, en train de jouer des jeux. Puis tout d'un coup, il y a une grosse alien invasion qui arrive là, puis tu te fais sucked up. Pis, on dit Indien, là, mais c'est pas un jeu de cowboy, là. Non, c'est un Amérindien de 2006, là, tu sais, quelqu'un ouais, qui a une réserve. Il n'y a pas d'acteur britannique Navajo, là, c'est pas Navajo, aliens, là. Puis, mais ça, c'est fucké, le bout, tu parles, tu te réveilles tout de suite dans un spaceship, là, comme tu dis, les vues ouais, de Porto. Mais t'es en tête, c'est parce que les humains, c'est un peu comme la même ligne que Half-Life, spoiler alert, mais les humains se font harvest. Ouais, ben c'est ça. Puis toi, t'es là pour te faire harvest, puis ta machine a fuck up à un moment donné. Puis il y a de quoi qui arrive, anyways. Puis là, t'es pris dans le vaisseau à voir les humains se faire harvester. Ouais. C'était weird, là, c'était weird. De beaucoup d'organiques. Tu sais, quand tu penses le art de Alien, là, tu sais, où est-ce que t'as comme des bibittes, là, beaucoup d'organiques. En réalité, il y a des aliens qui ressemblent aux aliens dans Prey. Oui, oui, oui. Les genres de quadripodes, weird, là, noirs. Ouais. En passant, j'ai commencé le nouveau Prey. Il est cool. J'ai pas fini encore, mais c'est vraiment un des jeux que je trouve que tu sais, le générique. Ouais. Je trouve que le générique, il est fucking fly en tabarnak dans ce jeu-là. Quand t'embarques dans l'hélicoptère, là, pis là, tu commences à voir juste comme tes produits partent, apparaissent, tu pars dessus des buildings pendant que tu promènes. C'est vraiment fucking beau, ce jeu-là. Des fois, je me dis, il y a des compagnies, peut-être pas dans ce cas-là, mais avec des compagnies gros twists au début qui devraient juste faire des trailers puis des génériques. Des fois, il y a des jeux, là, justement, tu fais comme... Que ça a l'air débile. Ouais, mais il y en a des compagnies qui font juste ça dans un juste sens. Ça. Non, mais je veux dire, c'est des third parties. Oui, engagés third party par en effet, mais ce que je veux dire, faites juste nous ça. Tu sais, c'est comme, t'es super hypé. Le jeu commence, c'est comme, bah, ben, je m'ennuie déjà de l'intro. Là. Comme tout le monde qui ont joué à Syndicate, que t'avais vu le trailer du Skrillex dans le temps, pis t'étais comme, oh my fucking god, Rosario Dawson est là-dedans, pis que finalement tu jouais le jeu, pis tu fais, ouais, hein. Ouais, mais Rosario Dawson est dans tout. Quand tu checkes dans Netflix, ces 6 mois-là, Rosario Dawson était overbooké. Puis maintenant, elle est en train de faire elle un peu comme... Elle est occupée par Netflix. Elle n'est pas la femme à Robert Rodriguez, elle, encore? Je sais pas. Il me semble que oui. Ben, peut-être. Elle est pas partout dans Daredevil, non, mais là, Cage, Jessica Jones. Ah, Rosario Dawson, la fille de Kids, là. Rosario Dawson est dans Kids. Le Rick Moranis des temps modernes. Oui, mais elle était dans Kids. Rick Moranis. Elle a juste disparu, genre. Non, elle est dans... Elle est partout dans Luke Cage. Elle est à Luke Cage. Elle est la blonde à Luke Cage. Oui, elle oui. Elle a dit justement que... Puis la blonde à Daredevil, puis la blonde à Jessica Jones. Mais c'est aussi la jeune fille qui se fait rape à la fin de Kids, puis qui pogne le sida du petit trou de cul. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce Kids là. Ouais, okay, ce film là, oui. Ouais, là, tu sais là. Et moi je pensais que butterscotch. Je pensais Kids in the Hole là, tu sais. Oh boy. Fait que guys, regardez c'était, Kids. C'était on this day, on a Zachary QC qui vient nous follow, fait que ça. Il a aimé la référence du butterscotch. C'est ça. Hey, avant qu'on enchaîne, on a Akoufen qui voudrait savoir si t'avais eu l'arcade piquante le lendemain, Rick, finalement. Oui, l'arcade piquante, elle m'a sorti. Mais c'était pas si pire que ça. J'ai survécu l'expérience. Mais le lendemain, ouais. C'est le pire de les sauces piquantes, c'est le lendemain. Fact. Mais j'en ai parlé tantôt, là. Je vais en parler tantôt pendant nos projets. Mais ben exactement, on va pouvoir expliquer un peu ce qui s'est passé. Parce que, guys, dans le fond, aujourd'hui, on va parler de la saison 2. C'est un peu le running gag du collectif. On s'est dit depuis toutes ces années, depuis ces 6 années-là, qu'on ne ferait jamais de saison 2. Puis, à un moment donné, on a décidé de pogner 6 mois de break, 6 mois de pause. C'est arrivé organiquement. Ben, c'est arrivé organiquement. C'est arrivé pour plusieurs raisons. Puis, on va ouvrir le rideau, dans le fond, derrière le raisonnement. Mais en réalité, c'est super simple. Éric a des obligations, j'ai des obligations, Milton a des obligations, tout le monde a des obligations. Puis ce que ça a fait, c'est que c'était un petit peu plus compliqué pour trouver des moments pour enregistrer. J'ai recommencé l'école, un nouvel emploi. Guillaume a changé d'emploi aussi également. On a eu plusieurs trucs qui sont passés dans nos vies. Puis on était rendu à un point tel aussi où la formule du collectif dans l'actuel, on était satisfait à 80% environ. Il y avait certains trucs qui nous achalaient chacun individuellement. Fait qu'on a décidé de prendre un peu de retrait pour retravailler la formule, pour revoir un peu comment on pourrait continuer dans le collectif, comment on pourrait chacun être heureux avec le show. Puis ça a donné qu'on a eu des rencontres, on s'est vu toute la gang, puis le podcast nous a manqué, puis on a décidé que le projet, c'était important pour nous, puis on voulait le continuer. Fait qu'il y a eu 6 mois qui se sont passés, 6 mois qu'on va essayer de rattraper parce qu'il s'est passé du stock pas à peu près. On a quand même été actifs, on n'a pas juste été écrasé sur nos divans aussi. Je pense qu'on avait des hypothèques. Parle des pour toi, Guillaume. Exactement. Moi, je sais que pour moi, j'étais écrasé dans le sofa et j'ai rien crissé pendant 6 mois de temps. Pourtant, j'ai vu sur Twitch pas mal. Ouais, j'aimerais dire deux choses. Il était assis. En fait, je vais regarder. Tu veux dire deux choses? Vas-y. Je voulais juste dire que, André, son aventure d'école est très, très, très cool avec un énorme respect. Puis il nous envoie des screenshots de formules mathématiques que je veux jamais comprendre dans ma vie. Ben écoute, je suis comme toi, je les comprends pas plus, moi non plus. Fait que ça tombe. Éric, t'as pas compris, faut pas te traiter de la mais formule. Mais là, quoi, tu m'as pointé ça, fait que je dis un peu qu'est-ce que je faisais dans ce temps-là. Ben c'est ça, mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi depuis les 6 derniers mois, mon cher Éric? Dans les 6 derniers mois. Ben tu peux y aller à 5 mois, 4 mois, la semaine passée. En 3 minutes, Éric. 5 minutes d'après le document, Milter, calme-toi. Mais je sais pas. Mais pas rien à chose, moi je continue mes activités chez Arcade MTL chaque vendredi. J'ai pris un vendredi off dernièrement, c'était assez rare que je prenne. T'es senti weird de pas être au bar un vendredi? Puis en plus j'ai passé proche de sortir avec Dominique aussi ce soir-là. Mais après j'ai pris ce relax avec ma femme. Mais Arcade MTL ça va super bien, je suis en train de faire ma petite expérience de rêve là-dessus. Plein de choses comme ça. Moi j'ai changé de job aussi dernièrement, j'ai eu des incidents. Que those who know. Ben, j'ai changé de job. À part de ça, je sais pas, je continue mon affaire. Je joue beaucoup à World of Warcraft. Ça, c'est une chose. Ben, t'as Chusouf et puis Chusouf Fuck Review qui fonctionne quand même. T'as plusieurs projets dans le fond, Rick, là, je te sens. J'ai des petites affaires qui se passent, mais c'est plus pour mon passe-temps personnel. Il est productif, Rick. Rick, j'essaie d'être productif, là, mais j'ai mon Chusouf Fuck Review que j'aime bien, mais. Je suis sous Fuck Review. Laisse-moi expliquer quelque chose. J'en ai parlé avec Joe un petit peu il y a une semaine. Mais moi? Tu vas t'en rappeler je t'en ai parlé. Mais je suis sous Fuck Review. Habituellement, je fais ça après le bar, quand je reviens du bar. Puis je suis sous. Puis j'essaie de faire un Je suis sous Fuck Review. Ou des fois quand je suis sous, etc. Mais je deviens un livre complètement ouvert ici. J'ai au moins une vingtaine de Chusou Fuck Review en backlog que je pourrais peut-être jamais release. J'en ai là qui sont vraiment dégueulasses, puis genre comme le collectif, mais il y avait du monde live là pareil. Ouais, mais les lives que j'ai fait, quand je les ai fait, je savais que j'étais là, mais j'en ai que j'ai fait en recording parce que j'étais pas sûr. Puis il y en a qui finissent là où c'est carrément moi là, puis j'étais en train de penser de releaser une version. T'sais, j'en ai deux, trois que je dis, ah, c'est pas pire, parce que c'est juste comme 4-5 minutes. Mais à un moment donné, c'est juste moi qui est comme, je me lève puis je pars. T'sais, comme des affaires comme ça, mais je pense que je vais les sortir juste pour divertir le monde. C'est du bon matériel. Ouais, c'est du super de bon matériel. C'est là qu'on fait comme O3 puis on fait available now! Ouais, genre, ça serait nice. Mais ouais, c'est ça. Fait que je m'amuse un petit peu avec Je suis sous Fact Review, ça va bien. Mais aussi, ça fait... As a service. Il y a du monde qui le savent, mais ça fait quasiment 2 mois que je suis le keto. Je fais une diète keto. Ta gueule. j'ai perdu quand même 40 livres maintenant. Ça s'est slacké dans les dernières 2-3 semaines. Ça slack, mais tu sais, c'est ça. Ça fait partie du processus. C'est normal aussi, là. Mais j'ai embarqué là-dessus, puis je suis plus sous comme je l'étais avant. T'sais, avant, je buvais comme plein de fucking IPA, puis je devenais crunk comme ça n'a pas de bon sens. Mais là, mon drunk vibe n'est pas exactement pareil. Mais c'est ça. Fait que je fais Je suis sous Fuck Review. J'ai fait le keto. Le keto, j'ai changé ma vie en bouffe. By the way, le sucre, c'est dégueulasse. Mais écoutez l'épisode de Valleyfield. Je joue bien des jeux vidéo. Je finis des jeux maintenant. Je peux te féliciter sur une chose sur Je suis sous et je review. Parce que honnêtement, là, t'as réussi à faire de quoi qui est malade. T'as trouvé un tagline pour tes vidéos que moi, je trouve que c'est fou à quel point ça fit. Tu penses, ouais, moi, j'ai eu des doutes. Quand tu mets ton review, tu dis, tu sais, je suis sous, fait que je review. Halo 5, je pense. Ah ouais, c'est ça. Je pas pense, pire. Je trouve que ça fait tellement toute la différence de ta chaîne parce que ça fit avec le gars qui est chaud. Parce que deux tiers du temps, quand je t'ai écouté, tu pars à gauche. Puis un moment donné, t'es rendu à droite, solide. Fait que je trouve que le je pense est le meilleur catchphrase que tu fais sortir pour cette mais c'est parce que qu'est-ce que je faisais souvent quand j'en fais, que je fais juste upload, pas les lives, mais ceux que je upload. Des fois, j'ai uploadé le soir avant de coucher, puis j'étais pas sûr qu'est-ce qui se passait. Mais tu sais, je me connais quand même assez bien, même si ça brosse. Je me connais très bien même. Que je suis pas quelqu'un de super désagréable. Je me connais, je vais pas commencer à faire des gros propos racistes parce que je suis pas raciste. Je vais pas commencer à faire des propos sexistes parce que je suis pas sexiste. Comme je suis pas une personne horrible. Fait que je sais que je slip up. Fait que même quand t'es chaud red, c'est pas grave. C'est ça, même quand je suis chaud red, c'est juste de la merde. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'aime ça. Puis oui, là, je pense, moi aussi, j'ai trouvé ce papier. Puis j'ai eu des doutes pour le nom pendant un bout de temps. Puis j'ai été réconforté parce que j'en parlais avec j'ai Papa Cassette puis Bruno que j'étais en train de jaser avec pour peut-être me faire un logo en figure de quoi. C'est nice, ça. Mais le nom, je pensais de le changer. Mais non, mais parce que je vais cleaner up la table. Puis Dom, il a fait un live de Rétro Nouveau un soir, puis il a fait la question ouverte à tout le monde. Puis tout le monde était comme, non, le nom est parfait. Non, tu peux pas changer ça, voyons. J'ai compris que le nom était bon, puis je vais continuer là-dessus. Moi, ce que j'aime, là, c'est que, contrairement à d'autres personnes qu'on ne nommera pas, quand tu pars un side project, tu le mènes à bon terme. T'sais, tu fais pas l'abandonner après deux affaires, tu sais, c'est... Ouais, mais je suis sous Fact Review, ça a été. Non, je parlais de personnes qui est dans notre présence actuellement. Mais je suis sous Fact Review des périodes, mais j'ai le brand, il aimait ça. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à vraiment le pousser un petit peu plus, j'ai vu que ça spikait très vite. Fait que j'ai juste resté là-dessus. Comme je suis capable de le partir à 2h du matin, j'ai une trentaine de personnes qui sont là pendant un live. C'est plus que présentement pendant qu'on fait le podcast. Ouais, genre. On n'est pas sur Facebook. Mais tu sais, ça marche bien. Puis c'est sur Facebook, je suis sous Fact Review. Fait que c'est un peu ça. Ah, merci Max, il a fait le lien. T'es frais en anglais, là. Puis tu t'entends de parler. Le nom est pas pire. Mais tu pourrais pogner de quoi. C'est ça, faudrait la poésie du nom. Du rime, elle marche plus, c'est ça. Anyway, c'est ça que j'ai fait. Puis un petit plug aussi, un petit projet que j'ai fait dernièrement, le projet à Élie Rodrigue, un des copropriétaires d'Arcade MTL. Mais il y a son Arcade Piquante que j'ai participé à son pilote. Mm-hmm. Puis lui, il a un bon produit. C'est Hot Ones québécois avec des jeux vidéo. Puis je pense à du potentiel, cette affaire-là. Ah, c'est incroyable comment je trouve que c'est bien étoffé, son produit. Oui, on a eu des petits problèmes techniques dans notre première affaire, mais on va se développer c'est ça avec bêta, le temps. De toute puis... façon. Hey, honnêtement, on le nombre Chris, de problèmes là. Qu'on a eu avec le collectif, on a eu tout à l'heure, Chris. On a parti de l'air, puis le son n'était pas bon. Fait que, c'est pas grave. Non, c'est juste... Mais son concept, Ailey, je trouve, tu sais, en ayant eu la chance d'aller au WEG une couple de fois, puis qu'Ailey soit là avec ses sauces piquantes, puis c'est comme le running gag, je trouve que, tu sais, le hot sauce s'est rendu un peu dans le hipster culture, là, comme que les fucking pumpkin spice latte sont aux basic aux influenceurs. Excuse aux influenceurs. J'ai-tu traité les influenceurs de basic, basic bitch? White girls. Mais fait qu'en réalité, tu sais, je trouve son produit est super étoffé, c'est vraiment cool. Il invite quelqu'un, tu sais, tu parlais de ton Xbox. Moi j'aimais ça, tu vas super deep dans ton sujet. Ouais, là. Moi je vais à trop chaque 15 minutes, c'est comme t'as peur. OK, fait que ça va t'arracher le palais. Ouais, mais Élie, c'est une brute, hein, parce que je checkais vos faces, là, puis lui, il n'y a aucune réaction. Je vais dire toi, de quoi... Toi, t'as l'air de vouloir exploser. La là. Dernière, c'est parce que Élie est très interne, son combat. Moi, je suis très externe. Fait que Élie, si tu regardes le live qu'on a fait, quand c'est on arrive à la dernière... 70. Quand on arrive à la dernière, on la prend, c'est la Magnum 357, qui est comme une des pires sauces au monde, qui a en plus une petite affaire de poudre, là, une petite bullet de poudre. Tu sais, les petites bullets là, que le monde y ont sur leur chaîne, des fois, ou sur leur clé. Puis là, ils squeezent ça, puis là, t'as comme une petite fourche. Puis Élie, il me dit, c'est pour le monde qui goûte des sauces épicées. Je suis comme, non, man, ça, c'est pour de la poudre, ça, Élie. C'est pas bon. Il a jamais vu Lord of War avec Nicolas ouais, Cage. Je pense qu'il était pas au courant de tout ça. Mais un homme chasse. Le monde met de la sauce là-dedans, genre. Non, c'est parce que sur la Magnum, t'as une bullet de Magnum. T'as une petite cartouche, une petite bullet de Magnum que quand tu twists, t'as comme une petite fourche. Il dit que c'est pour goûter des sauces hot sauce. Ben tu sais, les gros hot sauce qu'on a sur. Mais c'est vraiment une petite fourche ou une petite cuillère. Là, ouais, pour c'est comme ceux qui ont l'ongle du petit doigt là, dans le fond pour goûter les sauces. Mais ce soir-là, moi, quand je l'ai pris, je suis vraiment comme dedans. Chris, oh, ça les rend compte avec ta voix. Il lit à un moment donné. Ouais. Mais moi, je voulais persévérer parce que là, moi, mon but, c'était de parler. J'avais une vision de parler du futur du gaming. Parce que moi, je crois que le futur du gaming, il n'y a plus de console, il n'y a plus de PC. Toi, tu t'en vas d'un show de sauce piquante, tu sais que la plus forte est à la fin, puis tu dis. Je voulais toucher mon gros sujet à la fin. Puis là, Élie, on la prend. On prend la hot sauce, on commence à souffrir. Puis Élie me regarde, puis il me dit, fait que c'est quoi tes projets? Lui, il voulait juste couper cette affaire-là, puis finir, puis s'en aller vomir. Moi, j'étais comme, j'étais chaud, mais j'étais comme, non, attends, non, je veux continuer de parler de la Xbox. Mais quand tu regardes la longue forme de cette vidéo-là, qui est pas release en fait, mais si tu as le lien, tu peux le voir, t'as Élie carrément comme qui me dit ça, puis moi, je le coupe. Mais tu vois dans la face à Élie, là, qu'à partir de là, il est juste comme ça. Puis il a souffert, là. À la fin, là, il avait ses lunettes, il était tout embrumé. Moi, je souffrais, je riais, puis j'étais dedans un peu. Mais lui, il était à bout, là. Puis il a essayé de couper ça, puis j'ai poussé ça un autre 5-10 minutes avec moi qui rencontre mes grosses histoires. Il m'avait dit, le but, c'est d'avoir un show qui dure 20-25 minutes. Ça dure il m'a invité pour parler du Xbox, là. Je vais en parler du Xbox. Quelqu'un invite-moi pour parler du PlayStation. Mais je vais parler de PlayStation pendant des heures. J'ai vraiment apprécié l'expérience. J'ai vraiment ri de votre souffrance, ça, je m'en excuse. Non, mais c'est correct. Mais la dernière, parce que justement, on voit vraiment... la couleur d'Eric changer. Le pain. Puis il parle, puis t'as l'impression qu'il y a des vice grips d'un schnott, genre il parle fou les gars. Là, il est comme, moi j'étais plus capable, il fallait que j'arrête parce que ma blonde dormait, puis fallait pas que. Ah, mais c'est plaisant moi, c'est de savoir que ça marche. Crachat de poulet on the slide, tu sais, que tu fais juste comme, non. Oh, ouais. Pro move, hein, mais c'était pro, là. Come on, très pro. C'est très des goûteurs d'alcool, là. Il goûte puis il crache dans le. Puis cette sauce-là, là, même si tu craches, là, la minute que t'as eu du contact, t'es dans l'arbre. J'ai bien aimé les chats. Ah, Eric, touche pas à tes yeux. Puis j'ai même pas. Ouais, Eric, c'est ça, il pas me à tes yeux. Ça, là. Puis quand il me le dit, j'étais tellement en train de souffrir que j'avais oublié. Puis j'étais comme, fuck, je viens-tu de me toucher, puis je savais pas. Comme j'étais tout en train de mélanger, là. Anyways, fait que c'est ça, fais plein d'affaires. Shout out, on passe à d'autres choses. Ben, content que tu sois de retour, Eric, avec nous autres, honnêtement, c'est vraiment cool. Ben, ça aurait pas été pareil si t'aurais pas été là. Je suis là pour le long run, guys. On va être en train de faire ça à 75 dans une maison de retraite, guys. Vous êtes dans la marde. Arcade Soleil. Ceux qui savent, savent. Milton, mon cher. Oui. Toi, 6 mois de temps, qu'est-ce qui s'est passé avec toi, mon barbu? Je me suis. Ça doit faire un petit peu plus que ça. Tu as eu notre enfant? Non, j'ai plus d'enfant. Enfin, de nouveau, là. Aujourd'hui, c'est la fête de Riley, justement, 2 ans. Bonne fête, Riley! Il est couché, mais... Tu vas écouter ça quand tu vas avoir... Ouais, quand tu vas avoir 20 ans. 20 ans, oui. Même là, tu vas trouver ça plate. C'est ça. En gros, moi et Eric, j'ai plus d'enfant. Fait que c'était 6 mois. Ce que t'as fait dans les 6 derniers mois, j'ai pas eu d'enfant. C'est bon. J'ai regardé Eric. C'est pas fait. Je regarde les chissous, fait que je review si souvent. J'ai parti un groupe avec Eric qui est de la merde, ben raide. C'est Fortnite Québec. Ça l'explose. Ouais, 6300 membres. C'est abusif, c'est drôle, c'est divertissant. On banne juste les racistes et les misogynes. Tout le reste du monde, ils peuvent s'insulter, puis c'est incroyable. Même que je banne ceux qui reportent trop à la place pour rien. Si tu reportes trop pour rien, c'est comme, OK, t'es fatiguant, t'es cassé de party. Je pense que t'as Eric qui est admin avec toi là-dessus. Oh, oui, c'est ça, Eric qui est avec moi. Là. T'es-tu en train de parler de Fortnite Québec? Ben oui. Nice. Puis c'est ça. Ah, c'est ça, je voulais en parler moi aussi, mais ouais. C'est on a le plus gros On groupe. A la page, puis le groupe. Tu vas pouvoir vivre au travers de Milter pendant son segment, c'est ça qui puis est le pire, c'est qu'Eric, il a fait la page, mais là, avec la page, il poste des print screens de monde dans le groupe. Tu sais, ça me parle même... La page Fortnite Québec parle même pas nécessairement de Fortnite. Non, non, elle parle du groupe. Du groupe Facebook. Fait que c'est comme t'es fan du groupe. Ça même... Fait que là, il y a plein de marde pour rien. C'est comme le segment des annonces classées dans un journal où c'est, comme mais, cherche un tel homme. C'est comme la jungle hardcore, pour ceux qui savent c'est quoi sur Facebook. Mais c'est pas de photos si de boules pis de monde qu'il faut pour rien. Là. C'est comme ridicule. Tu sais, c'est... Ouais, on a nos limites. C'est qui ça. Nous garde dans la bonne zone. Mais toutes les posts ont moyennement rapport avec Fortnite. C'est ça le pire. Mais quand tu payes attention aux publications, la communauté est très active sur le Facebook. Mais à chaque temps en temps, la manière que l'algorithme fonctionne, c'est que la marde elle monte sur le top. Ben ouais. Mais la marde, c'est toujours des affaires. Non, mais même stupides, là, même la marde va être composée d'environ 66% de jeunes hommes de 12 ans qui filment sa TV à la verticale avec son cell en disant je suis live. Venez me checker, je pète tout le monde. Follower mon Twitch, puis on est comme, pourquoi tu shares pas juste ton channel direct, live là, tu sais. Mais on a carrément fessé une veine weird d'or de Facebook avec ce groupe-là. Puis on a parti ça, là, comme stupidement, pour parce qu'on était hype pour le Save the World. Ouais, pas le dernier E3, l'autre E3 d'avant. J'avais même pas vu la vidéo live pendant le 3. C'est Rick qui m'a envoyé ça. Il dit, check ça, ce jeu-là, tu vas triper. Ah, puis nous autres, c'est le Save the World qui nous a fait. C'est tout le Save the World, man. Moi, je l'ai précommandé, man. 6 mois avant que le Save the World sort, je capotais. J'étais là, c'est-tu que j'ai hâte de jouer à ça, tout. J'ai grindé le jeu pendant comme un bon 3 mois. Pareil, j'ai joué justement avec Matt. T'as joué beaucoup plus, toi, en plus. Puis, au début, j'ai joué beaucoup. Puis, ma base est malade, là. C'est tout seul, là. Jusque là, j'étais rendu à un point que j'étais plus capable. Save the World, mais c'est Horde Mode de Gears à la saveur de Epic. Building, puis building, tout. Farming, avec des... C'est vraiment, vraiment, vraiment deep comme jeu. Puis on s'est fait... Ben, un bon 2-3 mois de fun. Puis après, ils ont fait Battle Royale. Fait que là, le on groupe... était un peu excités, mais on savait pas que c'était pour exploser comme ça. Au début, c'est ça. Au début, j'étais comme, oh yeah, c'est cool, tu sais. Puis j'ai joué une couple de games. Qu'est-ce qui m'a turn off, moi, je vais être franc avec toi, là, c'est que... Puis j'ai commencé, tu sais, j'avais joué pendant 3 mois. À Fortnite. Fait que les contrôles, là, j'étais à l'aise, tu sais. Ouais. Fait que là, ils sortent Battle Royale free. Je joue une game. Ah, je finis, genre, je me souviens, j'avais fini comme top 10, top 15, là, tu sais. J'étais comme, ah, pas super. Je joue une deuxième game, boom, winner. Mais là, je suis comme, Ma deuxième game, j'ai gagné. J'ai comme plus d'objectif. Tu sais, j'ai comme plus de le feeling. Ah, mais là, si de tu jouais aujourd'hui, crois-tu que Non, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai pas suivi dans la masse de speed building, de fou, là, puis tout, là, puis oublie moi, ça. Je comprends pas. Mon cerveau fonctionne pas adéquatement pour jouer en mode compétitif de ça. Le monde que... Okay. Ah, c'est impressionnant. C'est un autre mode, là. Il y a des maps qui... Tu sais, ils te font popper des escaliers pour absorber une roquette ou une affaire de même. Tu sais... C'est quoi le vidéo, il y a pas longtemps, il y avait un opportuniste, là, parce que là, il y a comme du lore dans Fortnite, puis là, il y avait comme une fusée qui revolait. Puis là, tout le monde dans la map, c'était construit quoi pour regarder la fusée? Ouais, ouais. Puis t'as le gars qui est fait comme fuck that, moi je pogne le record du monde. Il pète tout en bas. Il les a tous tués one shot. Props à lui, honnêtement. Il met. Fait que Fortnite Québec. En tout cas, le groupe, c'est ça. C'est ça a juste. Fait que ça, c'est 6 mois de temps. Ça roule encore, man. Il y a du monde, il écrit. C'est ça qui est drôle. Il écrit dans le groupe. C'est en train de mourir, ce petit groupe-là. Puis tout. Puis là, Rick, il poste le print screen des stats de la journée. Donc, c'est comme on a accepté comme 110 personnes de plus dans la journée. On met ça en relation avec Comic Book Montréal, qui est un groupe dont je suis. Tu es en train d'exploser ça avec ou ça? Non, mais ça fait 3 ans que ça existe. C'est à 342 membres. Ah, c'est pas super. C'est correct. C'est correct. C'est pas le même rythme, disons. Non, on est en train d'accepter une centaine de personnes par jour. Nous autres, c'est une lotte. Puis on bloque la marde, puis on gère ça bien. Puis même, on a eu un peu de drama weird dans les derniers 2-3 jours, ce que le monde, il proclame comme de la gestion. Mais on est en train de ça revient à tous les 3 semaines, ce débat-là. Ça revient à toutes les 2-3 semaines. Tu vas 2-3 personnes, puis tu te rends compte que le monde chiale juste pour devenir admin du plus gros groupe. Mais moi, j'aime ça. Ils pensent c'est de même qu'ils vont c'est le devenir. Drôle. Il y a une fille qui avait freak out l'autre jour. Puis elle a fait des gros posts sans arrêt. Puis là, j'ai posé juste une question. Combien de publications? Parce qu'elle parlait de comment est-ce qu'il y a plein de mal partout. Je suis comme, mais combien de publications comme membre de la communauté as-tu signalé a disparu du groupe après ça? Puis je m'en rappelle, j'ai envoyé un message à Mertu. Je suis comme, fuck, mais cette fille-là, c'était juste pour devenir Rick, admin Rick, ou devenir... Elle est peut-être en détresse présentement. On a eu, c'est quand la dernière fois que tu l'as vu? On moi, je suis inquiet, là. On a eu une situation de détresse où ce qu'un gars, il avait publié puis il disait des affaires comme « je vais me tuer », des affaires comme ça. C'est même pas une blague, là. Ah, ça, c'est poche, par exemple. Non, mais quand t'es rendu un groupe gros de même, t'as du shit comme ça. Ouais. Puis c'était... Aussitôt que la real shit arrive dans ce groupe-là... Moi, je l'ai bloqué, là. Non, il a pas fait ça. Mais aussitôt que la marde comme vraiment intense arrive, là, tu gères les... T'es capable de gérer de real shit. Puis ce kid-là... Je me rappelle, aussitôt quelqu'un il m'envoie un message, il dit « Hey, il y a un kid qui t'a indiqué qu'il va se tuer parce que le monde sont en train d'être des bitches avec lui et tout ça. » Puis là, j'ai été tout de suite en contact avec le gars, j'ai jasé, on a jasé un peu. À la fin, il était comme « Ah, merci d'avoir parlé avec moi, je comprends que c'est juste de la merde, puis on fait juste dire de la merde, je suis comme good. » Puis il s'en est sorti, puis il est un membre actif. Il est encore là. Il est encore là, il publie, il est rendu publié aujourd'hui? Non, le monde qu'on break finisse par être là pour toujours. Ok, good. C'est maintenant un docteur, ce kid-là. Ah, 6 mois. Mais ce qui est cool en plus, c'est que Fortnite Québec a engendré State of Decay 2 Québec, ouais. Sea of Thieves Québec, ouais. Red Dead Redemption 2 Québec. Le petit jeu de merde d'Eric, là. C'était quoi? Le studio Québec? T'avais fait ton jeu... C'est quoi ton jeu chinois, je pense? Ah, oh, Ring of Elysium Québec. J'ai un Ring of Elysium Québec. Ouais. C'est thaïlandais en passant. C'est thaïlandais. Okay. Ben, c'est ouais, Québec. C'est Taïwanais. Puis oui, je pense qu'on on a peut-être un autre, je me souviens plus. Il y a un Crackdown 3 Québec. Oui, Crackdown 3 Québec. Ah, Sea of Thieves, tu as dit Sea of Thieves? Oui, Sea of Thieves, oui. Sea of Thieves fonctionne. En fait, Sea of Thieves, c'est un excellent exemple de... Un le monde bon groupe. Puis le monde, ils disent que Sea of Thieves n'est pas populaire ou il n'a pas fonctionné. Ah, mais le groupe Chris, est populaire. À côté de Fortnite, de tous nos groupes, tu peux avoir un bon pouls de la popularité d'un jeu. Sea of Thieves est quand même assez consistant. Il dedans, est actif, le groupe. Il est très actif. Là. Mais le pire, c'est que moi, dans Sea of Thieves Québec, je suis avec vous autres dans cette aventure-là. Moi, j'ai du fun à chaque jour de juste filtrer qui veut joiner. Puis, tu sais, c'est comme, salut, mettons, là, j'approuve les membres. Jean-Pierre, 24 ans, reste à Rouyn-Noranda, telle affaire, legit. Puis après ça, j'ai genre... Papa Douceur, Nouvelle-Guinée, 16 ans, Facebook join, hier. No. Ouais, c'est là, très je fais simple. Comme moi, ok, toi, bye. Puis là, il reapply. Un moment, je fais comme, ok. Moi, j'ai bloqué. Il veut vraiment. Fait que là, non, moi, j'ai bloqué pas. Moi, c'est-tu quoi? C'est rendu mon challenge. Combien de jours de combien de jours qu'il va réessayer, le gars, de rentrer qu'un fake account dans le groupe? Mais en passant, cool. Juste pendant qu'on dit ça, je viens d'accepter un autre 10 personnes. Dans Fortnite Québec. Bienvenue à Fortnite Québec aux gens. Oui. Fait que mis à part Fortnite Québec, des groupes louches, j'ai joué à beaucoup de jeux. J'ai fait bien des jeux d'Xbox. T'as-tu fini Syndicate encore? C'est ce que j'allais dire. Je l'ai pas fini. Assassin's Creed, Syndicate. Ouais. Je pense que Eric l'a fini. Oui, j'ai fucking fini un Assassin's Creed. Le power du keto. Puis moi, j'ai pas ce power-là, genre. Puis je suis en train de me demander s'il me le faut. Parce que là, j'étais au chapitre, genre, fin du 6e, début 7e. Dans ce coin-là, je me souviens pas exact. Puis il y en a 9. Puis là, je commence à être un petit peu turned off, genre, dans un sens. Mais faut que tu fasses la mission avec la reine parce à que... la fin. Ouais, mais je vais le finir. Mais ouais. Là, je suis en train. Tu sais, comment je te disais que moi, je joue à ce jeu-là. Oui, mais tu peux pas faire ça parce qu'éventuellement, tu vas te tanner d'aider Karl Marx. C'est que là je commence à en avoir plein mon cul de Darwin puis de Karl Marx. Mais tu vois, j'ai sauté tous eux autres. Eux autres, j'ai fait 2-3 puis j'allais à d'autres choses. C'est beaucoup. Faire des courses. T'es-tu tanné de Darwin, Guillaume? Je l'aime bien, Darwin. Il est vraiment mais j'ai pas eu beaucoup d'interactions avec lui. Non, mais t'as Darwin, t'as Alexander Graham Bell, ouais. qui est ton Leonardo da Vinci. Tesla, c'est ça? Tesla, il est pas là, non. C'est un autre, mais t'as Karl Marx qui est là aussi. Ouais, fuck. T'en as une couple, t'as une fille. Puis Karl Marx, je m'appelle, je t'avais dit, je refuse de consulter l'idée parce que je supporte pas le communisme. On est-tu rendu dans le fond du baril des références historiques qu'ils peuvent mettre dans Assassin's Creed? Ben, ils sont à Londres dans les années 1870, à peu près. Syndicate, c'est lui le jeu où c'était Unity. Il était full buggé au début. Unity, c'est Révolution française. Mais c'était lequel qui avait vraiment... Syndicate, c'est Révolution industrielle. Qui avait foutu le feu dans... C'est Syndicate. Non, c'est Foutu le feu dans franchise, ouais. c'est Unity. Unity, ouais. Puis après ça, Ubi Québec ont pris la base de Unity, puis ils ont fait un hostie de bon jeu qui était Syndicate, qui était un très bon. Il y avait plein de bugs de vidéo à sa sortie, me semble. Non, c'était Unity. C'était Unity, tu voyais les yeux planants. Moi, j'étais sûr que c'était Syndicate. Unity qui a un gros problème avec la face de Fred Gému partout. Spoiler alert, mais c'est vrai. On a eu ce gars-là sur notre show. Mais tout ça pour dire que Syndicate, c'est un excellent Assassin's Creed. Il est très bon. Puis Odyssey, c'est fait par Ubisoft Québec aussi. Fait qu'eux autres, comme quand ils ont pris Ubisoft Québec, ils ont pris Unity, je parle, hein. Ils ont pris Unity, puis ils ont fait le Syndicate. Mais là, imagine qu'est-ce qu'ils ont fait avec Origin, avec Odyssey. Puis je hype. Mais là, on l'a aussi, puis j'ai même pas joué à. J'aime comment t'as rappé up, par exemple. Ouais, je l'ai senti. Mais j'ai même pas joué à Origins encore. On l'a, hein. Mais c'est ça, ouais. Il est installé, il est prêt. Mais là, je vais prendre un break entre les deux. Le switch de un à l'autre est très difficile parce que le fighting dans Syndicate est vraiment le fun. Puis ils ont vraiment nailé le fighting de Assassin's Creed. Puis dans Origin, ils changent tout ça à quelque chose de très bon aussi. Mais ils ont scrappé qu'est-ce qu'ils avaient déjà très bien réussi dans Syndicate. Je trouve que tous les derniers Assassin's Creed que j'ai joué, ça changeait de fighting style à tout et fois. Mais Syndicate, là, c'est vraiment le fighting system est très bon dans Syndicate. Il est bien fait. D'un autre côté, c'est normal, ça change aussi parce que tu passes de quelque chose qui est très arc à flèche avec un. Ouais, mais c'est sûr. C'est des arquebuses que tu tires. Mais le fighting coup, combat hand to hand, si on peut dire, là, même là, des fois, tu fais comme ah, ok. Il y en a un, je me souviens plus c'est quel, t'attendais juste que le gars il glow puis tu pesais B, là. Puis tu pouvais comme defense kill, insta kill, genre comme 20 gars un après l'autre, là. Non, mais tu l'as dans Syndicate, ça aussi, quand tu. Ouais, mais c'est pas aussi. J'ai tout buildé up puis c'est pas aussi intense que mais ça. Mais en fait, si tu veux faire les beaux combo kills, faut que t'aies du skill un peu. Ouais. Puis il faut que t'aies. Faut que tout le monde soit. Tu sais, faut que tu descends le health de tout le monde. Ouais, mais tu peux pas en tuer plus que 4 pareil de la chasse. Tu sais que t'as pas de skills. C'est ça, je veux dire. Will, en passant dans le chat, je sais que c'est un grand fan. C'est un fighting casual. Exact. Moi, j'aime entendre. C'est quelque chose de casual. Mais tout ça pour dire que je vais attendre un petit bout avant de jouer à Origins parce que je commence à être écœuré de Syndicate puis je me dis je vais rusher le story pour le finir. Ouais, fais juste le. Mais moi, j'ai fait ça, moi. Je voulais faire tout de suite après le Jack the Reaper DLC, mais là, je vais slacker ça avec. Je pense que je vais me mettre un petit peu de côté puis mais je vais après, jouer à South Park. Dit, là, mieux de faire South Park. Ça, je pensais, on a acheté plein. Moi, j'ai acheté plein de jeux cool pendant les sales. Moi, j'ai juste acheté de la merde. Puis je m'en rappelle, je dis à Milter, je dis, hey, by the way, j'ai envie de Fractured Butthole, man, on l'a, man. Puis j'étais sûr qu'il était pour Ride High là-dessus. Ouais, mais il me dit ça, j'étais en plein milieu d'un jeu, genre, de quelque chose. Fait que finalement, c'était du gaming. Fait que ouais, c'était ben la Facebook, routine. Fait que j'ai eu un laptop, fait que là, je peux faire des affaires chez nous plus, puis. Cool. Same old shit, là. Ben content que tu sois encore avec nous autres, toi aussi, Joe. Ça fait plaisir. C'est vraiment nice. Guillaume! Oui. Toi, je t'ai fidèle à tes habitudes, tu nous as apporté quelques lectures. Non, ça, c'est la, lectures. C'est la fin, en fait. C'est la fin de mon exposé. Mais mieux de respecter le temps à la fin. Oh, regarde, moi, ça comme moi, pas très long, honnêtement. Qu'est-ce qui s'est passé de bon avec toi pendant je suis l'espèce de trame directrice des six derniers mois. Comme tu disais, c'est un nouvel emploi. J'ai une fille qui a maintenant 16, presque 17 mois. Donc un an et 4 mois? Un an et demi, mettons. On dit, on compte en mois jusqu'à 2 ans. Pour vrai? Comme mon gars aujourd'hui, là, j'arrête de l'appeler un bébé demain. C'est un toddler. Oh! Mais anyways, moi j'ai toujours été une personne qui dormait peu. Donc qui se couchait tard, qui se levait de bonne heure. Mais là, avec mon fils qui allait à l'école, moi qui travaille maintenant à Laval, à habiter à Montréal... Donc, mon transit, il a beaucoup augmenté. Ma fille qui décidait des fois de pas dormir, de se réveiller, je me suis comme scrappé le body pas mal. C'est que pendant un bout de temps, j'abusais vraiment, je brûlais la chandelle des bords. Donc, j'ai décidé de commencer à dormir plus. Et on dirait que mon corps a pris goût à ça. Donc, pendant un bon moment, j'arrivais à 10h30, 11h, je m'endormais sur le divan. Pour me réveiller comme random à 1h, il faudrait peut-être que j'aille me coucher. Ça m'arrive souvent. Mais dans le passé, je pouvais tout simplement gamer ou whatever, tu sais, pendant des longues périodes, puis après ça, aller me coucher, puis tu sais, je pouvais tricher lorsque j'avais juste un enfant à temps partiel. Maintenant, j'ai un enfant à temps complet et un à temps partiel, donc j'ai plus autant de leeway. Mais si on regarde le côté gaming, j'ai commencé Far Cry 5, j'ai arrêté parce que je voulais peut-être faire d'autres jeux. Puis souvent, quand les jeux viennent de sortir, je dis « Ah, j'aimerais ça essayer d'étirer l'expérience. » Pas parce que t'étais offusqué par les personnages du jeu. Pas du tout, j'ai adoré le jeu, puis je connais quand même pas mal de gens qui ont travaillé sur le jeu. Je connais des j'ai gens fini qui ont Far Cry 5. 40% de la population du Québec a travaillé sur un jeu de Ubisoft. On est tous à 6 degrés de quelqu'un qui travaille. J'ai fini Far Cry 5, keto. Ouais. En effet, grâce au keto. si vous voulez savoir un peu plus sur le keto, comme il disait, allez écouter notre épisode de live de Valleyfield, vous allez tout comprendre. Mais sinon, j'ai décidé de jouer à... J'ai dit, on va laisser faire ça, puis je m'étais dit, dans une espèce une de mes soirées dans la semaine où j'avais de l'énergie, je dis, je vais comme partir un trend, je vais me donner une excuse pour faire soit du streaming ou d'autres choses ou des articles pour le podcast. Je vais jouer à des jeux qui sont sortis il y a genre un an ou deux, puis je vais les jouer maintenant une fois que tout est comme patché, fini. Puis là, je me dis, je vais jouer à Fallout. Il faut que le hype est parti, genre. Exact, tu sais, comme le gars qui arrive en retard. C'est le Game Pass ou tu l'as acheté? Fallout 4? Non, je l'avais acheté quasiment quand il est sorti. Puis l'as-tu joué quand il est sorti? Non, c'est ça. Puis tu sais qu'il est sorti à Game Pass le jour que t'as commencé à jouer, hein? Bon, t'aurais fou, pu l'avais déjà, puis joué au PC, en fait. Joué au PC. Non, mais il savait pas il y a 3 ans. Mais non, puis j'ai juste joué 2 jours, j'ai arrêté. Mais ce que j'ai fait de façon plus récurrente... T'as pas aimé ou... Non, parce que, encore une fois, la fatigue. Ok. Mais j'ai fait énormément de séries télé, de films. Je me suis retapé... La série... Donne-moi 2 secondes, Guillaume. Fait que Guillaume, suite à cette intermerde, on va repartir ton segment dès le début. Fait que raconte-nous 3 faits divers qu'on connaît déjà et 6 que tu nous avais pas raconté à date. Oui, donc, contrairement à Eric et Jonathan et peut-être André, nous le saurons dans quelques minutes, mes 6 derniers mois n'ont pas été super actifs au niveau gaming. Contrairement si je me fiais à la dernière année, tout simplement à cause de la réalité de ma vie et le fait d'avoir justement un enfant et demi à temps à gérer. Un enfant et demi parce que j'ai un à temps partiel et un à temps plein. Pas parce qu'il est handicapé. Non, c'est ça, c'est pas Kenny puis un autre là. Mais RIP, Kenny, en effet. Il est mort? Oui, il est mort. 2017, si ma mémoire est bonne. Il est vraiment mort? Oui, il est vraiment mort. Robin Williams avait raison. Calliste, les meilleurs partent en premier. Mais c'était pas comme le running gag pendant 2 saisons. Je sais pas. Qui était mort. Kenny, il meurt à chaque fin de saison, me semble. Ouais, chaque épisode. Je parle pas de South Park là. On parle de Kenny, le gars qui a pas de jambes qui fait du skateboard. Holy fuck, t'es allé là. Quand il est mort, c'est un Pour ceux qui n'étaient pas. Qui n'ont pas compris la remarque de Max, je pense qu'il faut que tu l'écrives dans le chat, Max. Mais donc c'est ça. Donc. Mon niveau de fatigue a pris le dessus, a pris un peu gagné le combat depuis les 6 derniers mois. Et j'ai changé un peu mes habitudes de consommation dans le domaine de la geekitude. J'ai donc délaissé un peu les jeux. Tu fais des choix réfléchis? Malgré moi, oui. Tu sais, des fois, on dit que c'est plus par nécessité que par choix. J'ai commencé Fallout 4, j'ai commencé Far Cry 5. Mais j'ai pas vraiment progressé parce qu'on dirait que j'ai pas l'espèce de stamina pour le continuer à long terme. Mais j'en ai profité à la place pour aller au cinéma. Ce que je, dans mes, mettons, journées où ce que j'avais d'énergie, je me tapais un late night à 10h30 au Odéon. Ça, c'est cool, man. Pour, c'est, ça donne une petite énergie, je trouve. Puis étant donné que, justement, c'est des films de super-héros ou sci-fi que ma blonde aime moins, mais elle, de toute façon, se couchant un peu plus tôt, ben moi, je partais. Tu sais, j'avais pas besoin de me soucier à trouver une gardienne. Donc, Solo, les Avengers, Black Panther et compagnie. Il y a juste Deadpool 2, en fait, dans la batch de stuff mode-là que j'ai pas vu. J'ai aussi décidé de... Ben, en fait, C'est un Deadpool 2, c'est avec Brad Pitt, ça, right? Exact. Ouais, ouais. Oui. Puis Sandra Bullock aussi. Donc, ouais. J'ai aussi réalisé, en faisant un peu de l'inventaire dans mes trucs de BD, de livres, que j'avais énormément de backlog d'accumulés, et ce qui date en fait du Comic-Con de 2017, de l'année passée. J'ai fait... Ouais, il faudrait peut-être que je règle ce problème-là. Donc, j'ai parti sur un genre de sprint de lecture. J'ai comme clairé... toutes les Ultimate Spider-Man que j'avais pas lu, donc toute l'arrivée de Miles Morales, j'ai lu plein de BD, j'ai lu toutes les Star Wars que j'avais oublié que j'avais aussi pas lu, toutes les nouveaux romans de Star Wars que j'ai déjà discuté dans le passé au podcast, dans notre saison 1, mais là tout ce que j'avais pas lu, dont le roman de Battlefront 2, j'ai lu ça aussi, donc là je suis quand même pas mal tout à jour. Énormément de lectures aussi de livres, j'ai fait des séries télé de Netflix, et tout ça pour me rendre compte, tu sais, ma réalité de ce temps de les enfants, la fatigue aussi, de fait de en ayant un enfant à temps partiel, des fois, ben, tu sais, ta semaine de garde tombe sur un événement, exemple comme le Comic-Con. Mon enfant adore le Comic-Con, mais c'est quand même énormément de travail, un Comic-Con, surtout quand on le fait d'un point de vue d'un créateur de contenu. Et c'est un peu égoïste de ma part du faire subir ça. Puis André l'a déjà été témoin là, il y a une année où ce qu'il nous avait suivi. Puis tu sais, mon gars trouvait ça très très long et pénible. Et il y a aussi le fait que je venais de finir mon backlog. Puis ceux qui me connaissent moins pourront écouter notre backlog d'épisodes. Vont voir à quel point je peux être assez OCD lorsqu'il vient le temps de préparer un Comic-Con. Et ouais. Ça peut me coûter assez... Pas que ça va me coûter une fortune, mais ça peut me coûter un certain montant assez cher. Comme genre acheter Fallout à 79$, puis jouer un an après quand il est rendu 39$. J'avais pas payé 79$. Quand il est rendu gratuit. Non, j'avais attendu un peu. J'avais pas eu la journée qui sortait. Ok, 59, mettons. Mettons. Okay. Mais honnêtement, c'était pas mon plan lorsque c'est arrivé. Mais en fait, j'ai décidé cette année de pas aller au Comic-Con. C'est pour ça que je disais, je vais finir avec la pile de livres que j'ai ici. En fait, on va dire ça, vite fait, on est tous pas allés oui, au mais, Comic-Con. Fait, concours de circonstances. Ouais. Ça, personne n'a été, mais tu sais, moi, c'est comme une religion un peu. C'est comme... Je manque des fêtes d'anniversaire de famille normalement pour aller au Comic-Con. Ouais. Moi, c'était politique. Chuck pis, Norris, je suis pas capable. Finalement, c'est vrai que Chuck Norris, c'est une graine, on ne se le cachera pas, mais je veux dire, j'avais déjà préparé un peu mes affaires dans les 6 derniers mois. J'avais préparé mes BD que je voulais aller envoyer en Grady CGC. J'avais fait préparer plein de trucs. J'avais déjà commencé à regarder les artistes, puis finalement, j'ai décidé de pas y aller. Mon gars, il a quand même trouvé ça triste sur le coup, mais il a compris quand j'ai expliqué, puis c'était bien normal. Mais c'est, tu sais, il y a l'aspect financier. On est pauvres! Ben, il va dire ça à l'école. Il y a des fois, on je dis, ouais. On peut parler à Comic-Con, on est pauvres! Non, mais c'est parce que des fois, c'est comme là, on parlait d'aller en voyage, on essaie de se trouver une maison à Montréal, puis ceux qui checkent les maisons à Montréal savent à quel point c'est assez débile. Donc, finalement, j'ai décidé d'aller à la bibliothèque. Je vais pas trop m'éterniser sur le sujet, parce que j'en ai déjà parlé dans le passé. Mais en gros, je vais juste expliquer qu'on peut trouver quand même des choses assez intéressantes. T'sais, j'ai comme un compendium des meilleures histoires de Wolverine. Ça, c'est loué, tout ça? Attends, est-ce que le livre s'appelle réellement « Je suis Wolverine »? Ouais, mais on s'entend, lui, il est en français. C'est le seul que j'ai qui est en français. je me suis... Quel type d'harcèlement Wolverine a subi? Facile, j'ai lu les... j'ai juste lu, en fait, l'histoire du Wendigo à date. Je commence l'histoire de Lady Muriko, celle de Lady Deathstrike, en fait, okay. Qui est la deuxième. Puis c'est des reprints. Là, il est en français. C'est sûr que c'est pas l'idéal. Mais tu sais, on s'entend. Moi, je me rappelle, je m'étais informé pour l'acheter quand c'était sorti, celui-là en anglais. Puis on parle d'un 95$ minimum quand tu pouvais le trouver. C'est cool. Ça va à peine des fois de Je me suis aussi rendu compte que souvent, comme dans n'importe quelle collection, ça peut devenir une maladie assez rapidement d'acheter des BD. Donc, j'ai décidé de me concentrer sur certaines. C'est comme je lis beaucoup de Star Wars, mais je vais juste collectionner, exemple, la série de Darth Vader puis de Star Wars. Donc là, j'ai pris Kanan. Ceux qui connaissent pas Kanan, c'est. C'est pas le Jedi dans Mysteries of the Sith puis dans. Star Wars Rebels. Oui. Ah. Donc, c'est l'histoire du Jedi de Star Wars Rebels quand il est jeune. Donc, ça parle un peu du Last Padawan. C'est le nom de la série. C'est comment qu'il est devenu, ce qu'il est devenu, l'ordre 66. Rare. C'est pas Canon, ça, non? Canon. Ouais, c'est Canon. Je l'ai nommé Canon. Canon O'Brien. C'est Canon. C'est dans Star Wars Rebels. Marvel. Okay. Tout ce qui est fait, en fait, par Marvel, qui n'est pas un reprint de Dark Horse. Donc, tout ce qui est original par Marvel est officiellement canon. Donc, officiellement, fait partie du, de, bien, du universe. Fait qu'il va avoir un film là-dessus. Ben, c'est Star Wars. Après Solo, non. Ah, ouais. Mais, non, en fait, ça a été démenti. Petite parenthèse, Disney a dit qu'il va avoir encore d'autres films. C'est juste qu'ils veulent pas les rusher. Ils se sont rendus compte que la méthode de production était peut-être un peu trop accélérée. Mais il y a accélérée. Un nouveau Rebels. Ben, pas un Rebels, mais il y a un nouveau animated. Ouais, qui s'en vient. Qui s'en vient aussi, plus, j'ai hâte de voir. Ouais, qui a de l'air aussi, juste, je sais que tu parles de Star Wars, mais j'ai pas vu Solo encore, moi, Blasphème. Moi non plus. Mais ma petite sœur, que j'ai été élevée à regarder Star Wars avec depuis qu'on est des enfants, puis nos goûts sont complètement pareils, elle a vraiment, mais vraiment aimé Solo. Là. C'est une femme de 35 ans qui a été Solo élevée avec excellent. Star Wars dans toute sa vie. Moi, là. Malheureusement, je pense que quand j'ai été le voir, j'ai été victime d'un projectionniste qui avait peut-être mal fait sa job, donc j'ai trouvé que le film était très... pas monochrome, mais toujours dans les mêmes teintes de couleurs, très foncées, comme dans les personnes toujours qui ont oublié d'ouvrir une lumière, là. Tout le temps, elle sombre tout le temps. Puis j'ai... Genre, comme regarder The Ozark. Pourtant, c'est rendu numérique en plus. Oui, mais tu peux pas vraiment. Il y a peut-être juste de quoi qui était mal configuré. Ou peut-être j'étais fatigué puis j'étais moins dedans, celle-là. Mais j'avais peut-être l'impression. Peut-être t'avais un œil fermé tout le long. Mais j'avais l'impression que la direction photographique. Il y avait des lunettes 3D, je me suis mais dit, le film était ça pas devait 3D. Être moi parce que. T'sais, l'histoire était quand même bonne. Moi, j'ai bien aimé. J'ai aimé la petite twist à la fin qui vient encore une fois. Un petit. En tout cas, j'en parlerai pas trop, mais en ouais, fait. Merci. Je veux juste dire qu'il y a un clin d'œil à d'autres. Attends un peu. Production. Tu veux pas te faire spoiler, mon Eric? Moi, non, spoil. Moi, je m'en crisse. Moi, spoiler tout le monde après. Mais en gros, c'est quelque chose. Spoil, ça fait 5 ans que j'attends ce moment-là. Spoil, en moi. Gros, non, c'est qu'à la fin de Solo, il y a un clin d'œil à une autre production de Star Wars. Ils meurent-tu dans ce comme qu'ils ont fait avec Rogue One, un peu. Si on veut, mais là, il sort. C'est pas nécessairement un film de Star Wars qui a le clin d'œil. Je vais juste dire ça de même. Tout simplement. Ok. C'est un short de R2-D2. Mais anyways, non, je pense que c'est plus les jeux vidéo avec Swan. Canon, je l'aurais pas acheté. Je me suis dit, ben là, il est disponible, je l'ai pris. Sinon, autre, dans le même ligne, j'ai pris Spider-Man 2099, qui est en fait un reboot de la OG 2099. Dans la lignée de ceux que t'as pris, mais que t'aurais pas acheté. Exact. C'est, souvent, c'est l'optique que j'ai à la bibliothèque. Je vais pas aller louer des livres que je vais acheter. Par exemple, j'ai Batman ici, Rebirth Volume 3. Il n'y avait pas le 1 ni le 2, mais souvent dans des paperbacks, les histoires sont... Oui, il y a Bane dessus, en effet. Non, c'est pas ça. Je suis plus la fabrication des hardcovers. Non, c'est parce que c'est... C'est quelque chose de bibliothèque? Oui, ouais. C'est des bibliothèques qui les découpent, qui les refont. Les reboudines. C'est-tu juste moi ou avoir une version d'un trade paperback comme ça, c'est plus classe aussi? Mais comme en fait, si t'as la vraie, DC, de vraie, pour ton non. information, non, moi j'aime mieux les softcovers, ouais. Mais okay. DC sort toutes les paperbacks en hardcover et en softcover. Marvel ne fait pas ça, à part pour les gros compendiums. Mais Marvel, ils ont beaucoup de softcover. Oui, mais okay, excuse-moi juste ça, mais à part les gros, ouais, là, ouais. Très volume. Exemple, ça c'est le DC Rebirth qui se passe après la New 52. Moi, j'achète les Batman New 52, mais celui-là, je me suis dit je ne l'achèterai pas, donc je me suis dit je vais le louer. J'ai aussi loué du Valiant. J'ai vu, moi qui étais un grand fan de Valiant, j'ai vu un Valiant dans une bibliothèque. Je suis comme... Honnêtement, je suis littéralement tombé à terre sur le cul. J'étais un petit bonhomme, puis j'ai comme perdu l'équilibre tellement j'étais surpris. Dans le fond, ils n'ont plein. C'est juste que quand toi, t'arrives, ils sont tous loués, puis t'es vos pas. Honnêtement... Il y avait-tu des rubriques à braque? J'ai pas validé. J'ai pas fait des recherches pour ceux-là. Oh. Mais, j'ai une question pour Guillaume. Ça vaut la peine. Puis je voulais juste dire, dans le fond, si vous êtes des fans de BD, puis je voulais justement faire un peu plus de simplicité volontaire au niveau financier... encore une fois, je le répète, la bibliothèque peut s'avérer une excellente solution. Par contre, je vais dire, en tout cas, si je me fie à mon expérience dans Villeray, si vous voulez du contenu anglophone, allez à la Grande Bibliothèque Nationale qui était à côté de l'UQAM, parce que les bibliothèques des quartiers vont trouver plus du contenu francophone ou de la BD, ce qu'on appelle franco-belge. Juste une question vite faite, parce que tu parles du New 52 et tout ouais. Ça. Puis on vient d'annoncer Joaquin Phoenix dans un Joker. Un Origin Joker. Origin movie, de Joker. Parce qu'il va y avoir un autre film de Joker avec quelqu'un d'autre. Mais c'est peut-être pas la réponse que je veux entendre. 8 films cette année de Joker. Fucking déçu. Mais j'étais justement pour te demander si t'avais entendu parler du fait que peut-être les prochains DC. Parce que DC ont annoncé que t'étais pas focusé plus sur des standalone au lieu de des Expanded Universe. Puis je veux savoir si t'avais entendu parler que les New 52 t'as pas peut-être commencé à apparaître en film. Mais... Non, j'ai pas aucune information à ce niveau-là, malheureusement. Les seules informations de BD, de films de BD que j'ai de ce temps-ci, ça se rapporte à Bloodshot, qui est une propriété de Valiant, et Spawn. De... Avec Jamie Foxx. Et Jeremy Renner. Ouais. Hein? Ah, ouais. Jeremy Renner cool, qui a été annoncé comme Détective Twitch. C'est parfait, ça. Détective Twitch, Spawn, en fait, ouais. Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui nous écoutent, c'est le partner. Ça va être c'est, l'espèce de Laurel de Laurel et Hardy, le petit grand mince avec des lunettes. Qui a de l'air d'une espèce de nerd. J'aurais pas vu Jeremy Renner, mais je fais confiance à ce qu'ils veulent faire. Et c'est. Spawn ne sera quasiment pas présent dans le film. Ça va être juste comme une espèce d'entité qui va être référée à. C'est Twitch, le détective Twitch, qui va être le main acteur, le main focus. Fait qu'ils vont appeler le film Spawn, mais Spawn sera pas vraiment dedans. C'est pour vendre. Genre. Mais il va être là, mais c'est parce que c'est vraiment. Un peu comme Prédateur, André. Exact. On pourrait dire que c'est un excellent clin d'œil. Ben, il est quand même pas pire. Prédateur, le OG. Là, pas non, les le premier film Prédateur s'appelle ouais. Le Prédateur, mais tu le vois pas avant vraiment. Et j'ai dit, je sais que je vais finir ça. Parce qu'il est invisible. Il est là, man. Tu le vois j'ai dans l'arbre. J'ai dit que je finissais avec mes BD, mais une des autres choses sur lesquelles j'ai énormément travaillé pendant que je ne gamais pas, c'est ceux qui le savent, je travaille dans le web. J'ai aussi travaillé sur mes projets personnels. J'en ai un nouveau qui s'en vient bientôt, qui est un site de photos. Mais j'ai travaillé aussi sur le site du Geek Collectif et bientôt. Je l'annonce aux gars parce qu'ils ne savent pas encore. Il va avoir la suggestion culturelle du mois. En fait, il va en avoir une aux deux semaines. Un peu comme un rip-off facile et gratuit de Xbox Live Gold. Xbox Live Gold te propose un jeu gratuit à chaque 15 jours. Mais nous, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque 15 jours, on va proposer une consommation culturelle geek, que ce soit un film, une série on télé. On va-tu vraiment le faire? Je vais le faire. Okay. Si ça va-tu être gratuit? Êtes... Non, malheureusement, ça ne sera pas gratuit. Okay. Mais je vais vous dire... mais c'était pour tout le monde. Là. C'est juste comme... Non, mais moi... Même moi, je vais le couper au montage. Non, je vais le faire. Non, je vais le faire, honnêtement. Oh God, si vous voulez participer, vous allez avoir un spot. Ça va être deux fois par mois seulement. Okay. Puis c'est l'exemple. André pourrait nous dire, moi, je vais vous parler de Legion puis pourquoi vous devriez écouter Legion. Si vous ne l'aviez pas écouté, Legion, c'est mental, là, mettons le lien Amazon pour aller acheter la saison 1. Moi, je pourrais vous dire, moi, j'ai le goût de vous parler de la nouvelle série de Star Wars Darth Vader, volume 2. Puis là, si vous l'avez, vous voulez l'écouter, voici des liens, parce que vous pouvez, mettons, le lien vers, on va dire, Comic Hunter ou whatever, les boutiques de BD, ou aller le trouver. Puis c'est dans le fond un peu, puis c'est side short and sweet, c'est juste des propositions pour essayer de faire découvrir des fois ce qui nous passionne un peu dans la geekitude. Puis ça peut être au niveau des jeux vidéo. C'est Eric, un jour, il découvre un jeu vidéo. Comme Cars 2, mais évidemment, ça peut être ça. Mais c'est fou qu'on donne. Grosse découverte. L'objectif, c'est de pouvoir. C'était une très grosse découverte. Non, pour non, moi, mais c'est de pouvoir aussi partager à nos auditeurs, à nos fans, où le trouver. Tu sais, c'est exemple, un jeu n'est plus en vente, ou il faut que tu ailles dans une place super fancy pour aller le trouver. C'est moins pratique. Mais c'est quelque chose qui est achetable. C'est une bonne idée, sans joke. Puis je pense que dans le chat aussi, on a Furious Angel qui trouve que c'est une bonne idée. Moi, je trouve ça cool, ça. Honnêtement, suggérer du stock, moi je vais en parler un peu plus tard, là, mais il y a d'autres tie-ins qui vont s'en venir avec le collectif. Là. En l'occurrence, après 6 ans, je vais enfin déclocher avec Sériefil, mais ça va me permettre de pouvoir faire découvrir du stock au monde. Parce que Dieu sait que dans les derniers 6 mois, ça a été ça pour moi, ça a été me mettre à jour avec des séries, écouter du stock, écouter du contenu. Là. Merci Guillaume, honnêtement, la bibliothèque, là, no joke, je peux pas te garantir que... Ne nommons pas la ville, s'il vous plaît, mais dans le coin du studio, c'est là que je vais avoir la plus grande diversité de comic book. Dans la rive nord, Montréalais. Dans la bibliothèque. Mais en tant que Québécois, tu peux aller à la grande bibliothèque de Montréal. Ouais, ben, oui, je peux, mais c'est une trotte. C'est une calice de trotte. Mais je vais sûrement aller faire un tour. À pied, j'avoue que c'est une méchante trotte. Oui, ben, même en char. Mais on peut, en tout cas, moi, à Mascouche, mais ouais. La bibliothèque, il y en a une couple d'affaires. J'ai checké pareil. Oh, là. C'est beaucoup de francophones, par exemple. Mais c'est con, mais il y en a beaucoup. Je veux me reclaquer des vieilles BD, sûrement belges. Ça sonne belge. Tu sais, les petites personnes. Tu sais, c'était l'Exode. La Jean-Jean? Non, c'était l'Exode. T'avais comme du monde qui était rétréci. Oh, puis vivait, il y avait comme la technologie du futur, tout le kit. Je veux relire les Yokotsuno. Oui, j'en ai vu en fait. Ouais. Les Yokotsuno, tu vas en trouver dans toutes les bibliothèques, honnêtement. Hashtag l'Orconan, hein? Feu Vimont Auteuil. Ouais. Mais non, j'ai découvert, moi, j'étais en Yokotsuno et. Ça, je veux relire ça, même. Dans notre bibliothèque de quartier à Laval. J'ai l'impression que. Ah, les sont pas encore des frames. Mais ça n'a pas droppé encore. Bon. Yokotsuno, c'est-tu les filles cute, ça, là? Non, Yokotsuno, c'était la fille asiatique. C'est le rip-off de Yoko Ono. Ou... C'est comme si Yoko Ono était une super-héros. James Bond Yoko Ono. Ouais. Mais, OK. Toi, André. Ouais, moi? Oh my God. Beaucoup d'études. À part, ouais, honnêtement, écoles, c'est assez fou. Me réinscrire à l'université dans la trentaine, c'est un peu un plan de cave. Mais c'est un bon plan en même temps. Je regrette pas de le faire. Je regrette de faire. C'est une belle dualité, finalement. Je suis rendu bipolaire depuis que je fais ça. Puis ouais. C'est super tough. Moi, j'ai une question, André, avant qu'on s'étende. À combien d'occasions, dans ta dernière session universitaire, sans nommer de nom, ça t'est passé par la tête de vouloir soit cross-checker quelqu'un, l'étamper dans une case, ou juste de l'assommer avec ton laptop parce qu'il disait des affaires comme qu'il n'en finissait plus? Aucunement, en fait. Je vais dans les cours de soir avec les adultes. Ah, OK. Fait que je pense que la moyenne d'âge minimum du cours, ben, je pense que les plus jeunes ont comme 24 ans. Puis, ce que j'ai remarqué, puis j'avais sûrement ce comportement-là à cet âge-là aussi, mais quand t'as 24 ans, t'es entouré de gens dans la trentaine qui viennent pas niaiser à l'école, t'essayes d'élever ton jeu un peu. Tu sais, c'est comme tu parles moins, t'écoutes plus, tu veux plus apprendre, t'as pas personne à faire que la cave avec. Fait que... Ben c'est ça, puis un travail d'équipe, ça reste un shit show, là. Fait que ça, c'est dégueulasse. Il y a toujours quelqu'un qui choke ou qui t'arrive à la dernière minute. Un travail d'équipe, c'est toujours une occasion pour aller voir le professeur et dire je peux-tu le faire tout seul? Non, non, ils veulent pas. Mais non, les études, fait que beaucoup d'études, beaucoup de séries télévisées aussi. C'est quand même nice. T'as-tu écouté The Ozark? J'ai pas écouté The Ozark. J'ai écouté Safe, par exemple, qui est avec le gars qui jouait dans Dexter. Sur Netflix. Le Dexter. Le Dexter. C'est bon, Safe. J'ai adoré ça, honnêtement, avec ma copine. On l'a écouté, c'est quand même bien. On a commencé avant hier, Good Girls, qui est une nouvelle série exclusive sur Netflix. Qui est vraiment nice, honnêtement. C'est trash un peu, Guy Ritchie-esque, direction artistique un peu moins évoluée. C'est mais, avec la belle rousse dans Mad Men, là. J'oublie son nom en ce moment. Louis quelque chose, ça hein? Se pourrait. Ouais. Je n'avais pas écouté Mad Men. Shame on me, il va falloir que je le fasse. Ouais, c'est un must. The Expanse, qui, si t'écoutes, si t'as aimé la science-fiction, si t'as aimé Battlestar Galactica, le remake, et non l'original avec Edward James Olmos, tu peux écouter The Expanse. The Expanse, c'est du pur bonbon visuel. Oui, c'est elle qui joue dans Good Girls. On parlait de Christina Hendricks. Effectivement. J'ai écouté Luke Cage saison 2. J'ai commencé. Moi, je l'ai fini hier. J'ai écouté l'épisode 1, je me suis endormi dessus. Puis je suis pas retourné. Oui, avant-hier, excuse-moi. Ouais. J'ai fini je avant-hier. Je dirais qu'à honnêtement... à partir du troisième, il y a plus d'action. Honnêtement, okay. J'ai bien aimé la vibe. On s'entend, je ne suis pas le public cible de Luke Cage, mais j'ai bien aimé la vibe de la saison 1, mais la saison 2... C'est qui le public cible de Luke Cage, Guillaume? On s'entend, c'est du Blaxploitation, pour citer notre ami Simon Chénier des Mystérieux Étonnants. Mais la saison 2, honnêtement, je l'ai trouvé plus intéressante que la saison 1. Ouais, mais c'est parce que le personnage est établi, fait que c'est le fun. Ouais, il skip les bouts. Moi, honnêtement, tu vois, regarde, je suis rendu dans un vibe où j'explore le Netflix international. Le deep weird. Web Netflix. Tu sais, j'ai écouté, c'était comment que ça s'appelle? The Rain. The Rain était bon. Qui était vraiment excellent, que c'était de la bonne sci-fi. Aussi. Genre, je pense que c'était néerlandais ou suédois. Ouais, ma suédois. Julie, elle a vraiment aimé ça. The Rain, c'est suédois, puis ça finit vraiment, genre, c'est 6 épisodes, ça finit comme... Tu sais, typique des séries européennes, là, c'est comme... Je pensais qu'il était pour me dire qu'il écoute Marcello. Non, t'écoutes ça, pis t'es comme... Ah! Ben, en réalité, là... C'est fini. Ah, ça finit là, ouais. Tu sais, ça, j'ai adoré ça. J'ai écouté aussi 3% de la deuxième saison. Ça, c'est brésilien. J'ai pas fini encore. Ça, c'est brésilien, ça parle portugais, c'est bon. Succession, t'as-tu écouté ça encore? Non, pas encore. Mais tu sais, j'ai écouté plein de trucs. J'ai réécouté des films, des affaires dans le même... Tu sais, mon temps de divertissement était pas mal partagé. Je te dirais, j'ai essayé de faire du gaming. Chris, ça, c'est un shit show, essayer de gamer. On a gamé le plus ensemble dans les derniers 3 mois, c'est depuis longtemps. Ouais. Ouais, moi, j'ai été témoin de vos épopées. Ring of Elysium, Sea of Thieves. Honnêtement, je pense que dans l'absence du podcast, puis ça, c'est un peu une confidence que je fais, je filais tellement cheap qu'on release pas de contenu que je faisais vraiment l'effort de streamer sur le Twitch du podcast pour qu'on soit, tu sais, comme, hey, on est encore là, ça s'en vient. Ben, tant qu'à jouer là, tu streamais en plus. Ben, puis c'est du quoi, le streaming, je trouve ça cool. Mais Twitch, ils ont aimé ça. Ben, tu sais, on a une chaîne Twitch qui est quand même assez établie, puis c'est quand même le fun. On est affiliate sur Twitch, tu sais. C'est quand même nice. Écoute, on est là, le monde peut s'abonner. Ça, vous ne nous voyez pas sur Facebook. Le monde peut subscribe, il y a un emote, tout le kit, tu sais. Fierce Angel qui est dans le chat présentement, il dit, je vous ai découvert comme ça. Ils peuvent même, tant mieux, génial, partager leur Twitch Prime avec nous. Ouais, si on va en parler à la fin, par exemple. Oh, mais, tu sais, en réalité, c'est que j'ai fait du gaming, j'ai fait Prey, on en parlait tantôt, t'as dit que t'as commencé c'est Prey. Je suis rendu à la fin, pis sais-tu quoi, c'est un jeu que j'ai eu une relation... C'est Bioshock, là. J'ai de l'amour pis de la haine envers ce jeu-là, parce que j'aime le lore, j'aime le vibe, c'est Bioshock dans l'espace, fait que moi, ça me parle plus qu'un monde aquatique. Mais, c'est vraiment BioShock. Fait que je me suis forcé de le faire. C'était cool. Je l'ai streamé quasiment au complet. Fait que si vous allez dans les vidéos mais sur Twitch, vous allez pouvoir le trouver. Comme fan de BioShock puis de Prey, je suis curieux, t'as-tu joué à BioShock Infinite? J'ai pas fait BioShock Infinite. J'allais dans ma liste. Là, ça, c'est... Je pense que les deux BioShock sont dans les backlogs de près tout le monde qui a un compte. Ben moi, j'ai fait BioShock Infinite, 1 et 2, mais j'ai pas fait Infinite. Le 1 et le 2 se tient par lui-même. 1 et le 3, c'est les deux qui valent vraiment la peine, je dirais. Non. Ouais, 1 et 3, oui. Ben ouais. Le 2, le 2, c'est cool. Le 2, il est bon DLC. Il est très cool, mais il est très différent comme jeu aussi. Personnellement, le 3, je l'ai pas fini. Je m'ai tanné de sauter d'île en île assez vite. J'ai plus aimé l'ambiance en-dessus de l'eau. Mais c'est-tu quoi? Moi, j'ai fait... Non, c'est pas vrai. J'ai fait le DLC du 3 qui fait le tie-in avec le 1. Le DLC du 3? Ouais. Ah, ben, mais Nervous Thing, là. Mais t'as eu les DLC de BioShock Infinite qui faisaient des tie-in avec les univers parallèles et des autres BioShock, des affaires de même. Ça, j'ai trouvé ça cool parce que, justement, selon moi, le meilleur, c'était BioShock 1. Là. L'ambiance, le reveal. Rien que le début dans l'eau avec ton avion qui crash en feu puis que tu nages vers une petite shit que tu rentres dans l'eau. Tu sais, les moments mindfuck que tu t'attends pas à ça, puis tu c'était génial. Les personnages sont... Même aujourd'hui, c'est relevant de faire BioShock 1. The Burial at Sea. Oui, exact. Fait que tu sais, en réalité, c'est ça. J'ai fait Prey, j'ai fait une couple de jeux. Là, tu vois, ces temps-ci, je suis sur Warframe avec Max, puis avec Will qui est dans le chat. Excuse de te couper, mais je reviens vite fait au nouveau Prey. Les portails, apparaissent-tu à un moment donné? Non. OK, fuck that game. Non, mais oui, mais non. tu vas l'aimer, mais tu vois, regarde, check, en toute transparence, je me suis rendu à la fin. Je sais ce que j'ai à faire. Je sais que je suis rendu à un bout où c'est une question de skills que... Je suis rendu que j'ai pas conservé assez de munitions, puis j'ai peut-être pas assez upgradé mes guns, ouais, puis le kit. Puis j'ai une porte en avant de moi qu'il faut que je me rende, j'ai des ennemis, puis le kit, c'est un shit show. Fait que j'ai fait, tu sais quoi, je vais aller sur YouTube, je vais écrire Prey Ending HD, puis j'ai écouté la fin, puis j'ai fait, tu sais quoi, fuck you, man. J'ai fait le jeu, je le mérite. Yo, tu viens de mettre ça sur la table live. Oh, ouais, non, mais je m'en calisse pas mal en plus. Mais no joke, okay. ce jeu-là méritait. Mais il ça. Commence tellement bien en plus, ce jeu-là. Non, mais il continue bien aussi. C'est comme le jeu de Syndicate. Il finit juste bien mal. Non, comme c'est pas FPS que ça finit mal, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu l'as catché à la formule. Il y a les aliens qui volent. Il y a les aliens qui se transforment en tasse à café. Il y a les aliens qui t'attaquent avec des attends, affaires électriques. Attends, ils se transforment en tasse à café. Oui. Ben, en fait, en trombone, en agrafeuse, peu importe. Okay, c'est, c'est des mimiques. Okay. T'as l'alien de feu, t'as l'alien électrique. Puis là, l'alien électrique, tu le bats avec tel gun ou telle balle. Puis... J'ai utilisé comme un méga que j'avais pas aimé le Prey 1, moi. T'aurais pas dû parce que je t'aurais fucking hate. Mais, ben, moi, je l'ai regardé. C'est Steve qui l'a joué devant moi. Moi, j'ai fait, moi je touche pas à ce petit jeu-là. Je regarde mon coloc le jouer. Ben, tu vois, il y a des jeux de même que je l'ai fait. J'ai eu mon fun avec. Je l'ai payé 19 en plus sur un Steam sale. Ah, ben, moi, en fait, je le joue à cause de toi. Ouais, tu l'as dans ma library. Mais tu sais, ça, c'est une affaire. On a fait nos Steam library. On s'est partagés. Puis là, ben, j'ai accès à ses jeux. Il y a accès à mes jeux. Fait que ça, c'est quand même cool. Tu l'as fait avec Guillaume encore pour l'Xbox? Non, pas encore fait. Mais ouais. Ça, il serait perdant si j'ai rien, man. Ah. Ouais, faut que t'ailles mais digital, pareil. C'est le winner ici, c'est moi, Milton. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, j'ai 480 jeux. Du gaming, des téléséries, beaucoup d'études. Je me suis promené un peu avec ma blonde aussi. Honnêtement, je veux juste quoter ça parce que c'est quand même cool. Aux States. Ben, les States. Je suis allé aux States des Québécois, là, fait que je suis allé au Lac-George. Plattsburgh. Mais j'ai aimé ton expérience de découverte de la New England IPA. Ça, tu m'as tellement fait rire. Ça, on va en partager. Là. Mais j'ai vu le même moment que toi, comme même pas un mois avant. C'est ça l'affaire. C'est parce que je m'en vais au Lac-George, puis je suis super excité parce qu'il y a une brasserie là-bas qui s'appelle Adirondack Brewery, qui font une Lake George IPA, qui est super cool. Il y a 7 waves de la Lake George IPA. Donc, tout dépendant, c'est tous des produits locaux, organiques, leur propre houblon, etc. Mais tout dépendant, dans l'année, t'as pas la même cuvée de bière. Puis là, je suis là, puis j'écris les boys dans le chat, tu sais, fait que so many cats. Puis je leur envoie des photos des affaires là-même, puis j'étais un peu sabrostre. Puis je leur dis, Chris, man, il y a de l'IPA, ben, un ticker rentre. Puis Eric, il me dit, OK, mais fait que tu vas nous ramener de la New England IPA. Puis je suis comme, non, il y en a pas ici, c'est tout de l'IPA. Puis il dit, OK, mais t'es où? Ben, j'suis au Lac-George. Dans quel état? New York. Ah! Là, je clutch puis je fais, Chris, ils n'ont pas besoin d'écrire New England IPA. T'es là. Fait long story short, bière excellente. Il me reste un growler dans le frigidaire de bière sûre. C'est une gauze à la tangerine qui est folle. Que Elle va expirer cette semaine. J'ai appris qu'un growler de bière... Ça a une date? Que, ben, en fait, c'est pour que la bière commence pas à s'oxyder puis qu'elle reste carbonisée. Ouais. Fait que dans le fond, t'as 2 semaines à peu près. Fait que là, le growler, il est pas ouvert encore. Fait qu'en fin de semaine, faut que j'ouvre le growler. Puis une shot que tu l'ouvres en plus, t'as 48 heures pour la boire. Fait que en fin de semaine, je vais goûter cette bière. C'est en masse, là, d'après moi. Mais j'ai eu ouais, c'est quand même 74 de bière. C'est quoi, 3 bières? C'est comme un 71 de vodka, mettons, mais en bière. C'est combien de bières? T'as à peu près 5-6 pintes à peu près. 5-6 pintes. Une soirée. Quand tu étais en New England, tu montais des photos de ça. Moi, j'ai eu la même expérience que mon beau-frère. Il est allé faire un tour au Vermont. Puis il m'arrive avec 7 cannes de IPA du Vermont. Puis là, à chaque fois, je l'écoute. Tu sais, nous autres, au Québec, dans la dernière année, on capote sur le New England IPA. T'as la Nord-Est, t'as la Lagabeer. Tu sais, on pourrait en nommer plein, mais t'as des bonnes New England IPA qui font ici. Mais mon beau-frère m'apporte plein de IPA. C'est juste marqué IPA en canne. Puis à chaque fois que j'ai coulé, c'était des bières qui éclataient la Nord-Est, qui éclataient la Lagabeer. Ben oui. J'étais comme, coudonc, on dirait que c'est des New England IPA. Comme, pourquoi que c'est pas... Oh. Mais le pire, c'est que il fallait que je partage. Moi, la culture de la bière est différente. Mais j'ai hâte d'aller C'est illégal pour eux autres d'exporter ça chez nous. Ah oui? Ils peuvent pas l'exporter chez nous. Mais je sais que tu as le droit d'en ramener, par exemple. Oui, tu as le droit d'en apporter, mais c'est que eux, étant donné qu'ils sont étrangers, ça doit passer par la SAQ. C'est ça. C'est un gros fucking mindfuck pour l'envoyer ici. Mais c'est weird parce qu'on a une frontière qui est là. Puis là, tu as Boreal qui capitalise sur la New England IPA qui est à 45 minutes de chez nous, mais à cause de la frontière, puis à cause de fucking Trump, mais non, ça n'a pas rapport. Ben, tu sais, ces bières-là, ils peuvent pas traverser ici dans nos depths, ouais, mais le monde, il capote, puis ils se mettent en ligne pour des ovales New England IPA. C'est quoi la Nord-Depth? Qu'est-ce qui est la beauté de ça? C'est que c'est des beaux produits québécois quand même. Je suis content qu'il y ait des line-up pour ça aussi, mais Lake George, là, c'est 4 heures de route, c'est une ligne droite. C'est super facile de s'y rendre. C'est une belle place. Puis honnêtement, ces temps-ci, le dollar canadien puis le dollar US, ça vaut carrément pas la peine. Là. C'était 1,35, on s'entend. Là. Mais il y a moyen d'avoir du fun pour pas cher. Là. Trudeau va l'avoir. Okay. C'est un hôtel, c'était genre 100$ canadien pour une nuit. Là, ah, fait que c'était quand même pas pire. Tu y vas avec ta blonde. T'es-tu allé à Frontier Town, le village cowboy? J'étais allé à Frontier Town, effectivement. On est allé là-bas. C'est rendu un marché aux puces. Pour de vrai? C'est vraiment. J'allais là quand j'étais petit avec mon père. Moi, quand j'étais petit cul, c'était le village de cowboy. Puis on est arrivé, puis no joke, c'est un genre de super mercado où ils vendent plein de styles verre à shooter cheap, puis des décorations gossant en bois que c'était écrit Made in China en dessous. Fait que moi, j'étais comme désenchanté. J'étais comme, c'est Frontier Town. J'ai envoyé une photo à ma mère. Elle fait, ah, t'es à Frontier Town. Je suis comme, ouais. Là, j'ai envoyé une photo dedans. C'est pour ça que j'ai peur, moi, d'aller à Canada. Il n'y a plus de shootout dans les rues de deux cowboys puis de pitchage de hache. Un building, that's it. C'est écrit Frontier Town. Puis en dedans, c'est un shop. Non, ça me rappelle quand j'allais à Myrtle Beach, en auto, quand j'étais jeune, on passait. Puis il y avait South of the Border. Là. Puis c'était des pancartes noires, oranges et jaunes fluo. Là. C'était comme la grosse affaire. Puis tout le long que tu roules, là, c'est à genre, je pense, à 87 ou whatever, qui deviennent l'autoroute qui sort vers le sud. Là. South of the border, south of the border. Puis c'était comme plus gros que nature. Je suis sûr que c'est rendu n'importe quoi. Ça doit être cher. Ben, clairement, ça existe encore. Ça se pourrait que ça n'existe plus non plus. Mais, guys, le temps file. Puis il nous reste un ou deux sujets à couvrir. Go. Moi, j'aimerais ça savoir. Là, on entame la saison 2. On va pouvoir débuter avec ça. C'est quoi vos attentes et vos désirs de la saison 2? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pendant la saison 2? Là, on s'entend, faites une saison 1 de 100 épisodes. Là, on veut quoi, tu sais? Ça représente quoi pour vous, la saison 2? Moi, j'ai commencé tantôt, fait que je vais attendre. OK. Pour moi, saison 2, c'est comme un... Ben, je veux pas dire un nouveau début, mais un peu Rise dans of un the Phoenix. Sens. Dans un sens, on en profite pour... on a pris le temps de parler de ce qu'on veut changer un peu avant, tu sais. Fait qu'on... Je pense qu'on va commencer à faire plus de critiques de cellulaire puis d'affaires de même. Fait que c'est quelque chose que moi, je voulais beaucoup. Mais non, tu sais, c'est... On a changé des petites affaires. Je pense qu'on va essayer de faire ça plus tight, plus concis, là. Je sais pas, là. À part ça, je pense qu'on a juste remis les pendules à l'heure, tout le monde, puis on a dit, justement, vu qu'on avait pris un long break, on part de saison 2 faire la joke justement puis Mais en fait on a eu un meeting où ce qu'on s'est rencontrés puis on a eu nos classiques hot dog craft dinner qu'on aime bien faire. Puis je me rappelle, moi dans ma tête c'était qu'est-ce qu'on fait, on voulait parler avec le futur du Geek Collectif. Moi dans ma tête c'était comme je veux juste proposer saison 2 puis on rince ça. Puis je pense que tout le monde avait ça dans leur pocket. Ouais. Puis pendant qu'on jase puis on chill pendant le meeting, à un moment donné ça a juste sorti. Puis c'était pas moi qui l'ai sorti, mais c'était quelque chose que je voulais proposer. Puis là, j'ai juste vu André réagir. Je suis comme, ah, oh, André aussi y a pensé. Ah, oh, lui aussi y a pensé. Ah, oh, lui aussi y a pensé. On était tous à la même place. On était tous à la même longueur d'onde. Là, puis ouais. On savait que c'était ça le but. Là. Toi, Guillaume, ça représente quoi pour toi la saison 2? La saison 2, c'est un peu de reprendre un peu le meilleur de la saison 1, de nos 100 derniers épisodes. Il y en a eu quand même beaucoup sur 5 ouais. ans et quelques mois. De prendre le meilleur, ce qui marchait le plus, pour justement amener un peu le produit à un niveau supérieur, où ce que justement, on n'aura pas de complexe d'infériorité ou de gêne d'amener un invité ou d'aller essayer de chercher de quoi de plus. Puis mon objectif, c'est, oui, on fait ça pour nous, mais c'est de rendre le produit, parce que c'est quand même un produit qu'on crée, le contenu qu'on crée, le rendre encore plus attrayant. À nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent. Puis avec mon rôle qui est un peu plus au niveau du web, c'est de, sans vouloir trop spoiler puis trop en dire, c'est justement d'amener un peu plus du concret qui soit plus facilement accessible, qui soit plus facilement découvrable par des gens qui nous connaissent pas, puis que par le fait même, ça puisse nous ouvrir des portes plus facilement sans qu'on aille à trop écœurer le monde, trop se forcer. Mais tu sais, je dis pas qu'on va être en train d'animer le Twitch Live du Comic-Con 2019. C'est pas notre objectif nécessairement, mais... juste d'être propriétaire par le Comic-Con Québec, 2019. Tu veux dire, t'sais. Mais non, mais tu sais, c'est pas ça que je dis. C'est juste dans le fond que les gens qui nous aiment depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, c'est pour les gens qui nous aiment depuis plus récemment, que d'autres personnes puissent bénéficier, puissent apprécier notre production, nos contenus, puis que je sais qu'Éric aussi, il le dit pas, mais il souhaite depuis plusieurs années devenir un influenceur, puis j'aimerais ça pouvoir participer à ce qu'il devienne un vrai influenceur. C'est comme moi, c'est chaud à mon cœur. Je sais pas quoi dire à ça. Moi non plus, je sais pas quoi dire à ça. T'es pas supposé me lancer la balle, là? C'est pas écoute, là, Éric, est-ce que je te lance la balle? Désires-tu que je te lance la balle? Je pense que la clé d'être influenceur, c'est de dire que t'es influenceur. Fait que le jour que je dis que je suis influenceur, je vais devenir influenceur. Tu le dis tout le temps. Je l'ai jamais dit. Éric, arrête de dire que t'es influenceur, on le sait. Éric, c'est comme le prochain Murphy Cooper, mais pas pour awkward, moi... genre. Je te like encore, Murphy, mais je te suis plus, man. Pour moi, la saison 2, c'est vraiment juste une question de continuer de s'amuser ensemble en chum, puis de jaser. Ouais. Parce que pour moi, là, ça va faire 5 ans et plus qu'on est ensemble. André, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Milter, c'est devenu un de mes meilleurs amis à cause de ce projet-là. Guillaume, je le fucking adore à cause de ça. Max, je l'adore à cause de ça. André, on est rendu des très bons. On est tous des bons chums que quand on se rencontre, on se connaît assez bien. Qu'on se tombe ses nerfs juste assez bien pour s'aimer. Puis j'adore toute cette magie-là. Fait que pour moi, la saison 2, c'est juste de continuer de grandir cette amitié-là. Puis c'est ça qui est important pour moi. C'est ça le podcast, en fait, je pense. Le monde, ils veulent le fame, ils veulent les sponsors, ils veulent toute cette shit-là. Mais la vraie clé d'un vrai bon podcast, c'est que c'est juste des bons amis, des amitiés qui se sont développées, qui travaillent ensemble juste pour jaser, puis faire du monde parler, puis interagir. Il n'y a pas une personne dans cette salle ici qui veut un podcast pour payer leur hypothèque. Non. Puis pour moi, je pense... Oh non, je veux vraiment pas d'argent, moi. OK. OK, bon. Vrai. Qu'est-ce que je veux dire, c'est... On comprend exactement non, on t'a ce compris, que je veux dire. Mais on comprend. Mais pour moi, saison 2, c'est juste de continuer de grandir notre amitié. Une affaire que j'ai toujours remarquée de Geek Collectif, c'est que les gens... Souvent, ils nous posaient la question. Je m'en rappelle ça, pendant les premières deux saisons, le monde était comme, hey, vous connaissez, ça fait comme. Les premières deux saisons. Les premières deux années. OK, OK. Le monde était comme, hey, comme je parlais avec du monde, c'est comme, hey, vous connaissez depuis des années. Je suis comme, ben, je connais André à cause de la job, mais André me présentait à Milter avant notre premier show. Puis on est rendu des super de bons amis maintenant. J'ai dormi dans le même lit que Milter plus de fois que j'ai de doigts. Plusieurs fois, oui. Comme, tu sais, on est des bons amis. Puis pour moi, saison 2, c'est ça. Puis si j'ai de quoi, meeting-wise, mais live, c'est que j'aimerais notre chaîne Twitch un jour ait un schedule. Puis j'aimerais un jour voir que notre page Twitch ait genre comme Eric fait ça le mercredi soir à telle heure, puis il y a des animations cool dans son Twitch. Puis Max fait le reste des autres journées de la semaine. Max qui joue à Warframe pendant 48 heures par jour. Anyways, le but c'est j'aimerais ça que notre chaîne Twitch devienne plus. Moi j'aimerais avoir ma face dans un slot pendant une journée de semaine, comme que je vois tout le monde faire. Mais moi je m'excuse, il va jamais avoir un day off dans cette fucking liste là, parce que moi jouer des jeux vidéo, j'ai pas besoin de schedule pour c'est ça. C'est ça que tu fais anyways. C'est ça que je fais anyways. Puis quand ça dit off du stream, ben c'est à cause, je sais pas comment le dire, moi, mais je veux juste que j'aimerais que notre stream se développe dans un sens où ce que on ait chacun notre spécialité, puis que on devance ça avec nos soirs spéciales. J'aimerais avoir une schedule où ce que je dois respecter en stream, parce que mon je suis souvent que je view, il y a pas de schedule, c'est quand je suis drunk. Mais c'est la magie de la, c'est ça qui c'est ça qui est la magie de la magie. Que je view, mais j'aimerais charme. Aussi avoir comme hey, ça c'est 2 heures d'Eric qui joue à WoW. Ouais. Ça c'est 3 heures d'André qui fait je suis PUBG, à jeun, puis fait je que joue à là WoW. Avec lui en train de jouer à PUBG ou d'autres jeux hit. Mais j'aimerais un jour qu'on ait un slot de dimanche à samedi qui dit cette personne là fait ça sur Twitch. Puis ça, c'est ça pour moi, saison 2 de Geek Collectif. On est un fucking projet. Je pense on a regardé une entrevue. V'là une couple d'années, il y a une vidéo qui m'apparaît dans la mémoire tout le temps. Puis c'est moi qui ai entrevu André, pas de barbe. Oui, oui. En train de. Avec un Galaxy S4. Ah, oui, ça, sur, le, puis, la clo- sur le balcon sur chez le Nick. Sur le balcon chez Nick. Shout out Nick qui est là. Puis notre amateur de lutte. Nick, depuis tantôt, qui veut juste dire qu'il veut plus de lutte. Mais on l'aime, Nick, là. Ouais, mais Nick, il a juste écouté le Lutte Collectif, c'est qui est notre autre show. Que... Mais je me rappelle toujours de l'entrevue que c'est j'ai avec André. Secret. Puis un jour, ben en fait, si vous l'avez jamais vu, on va le partager sur la page peut-être, mais c'est une entrevue avec un Galaxy S4 où ce qu'il enregistrait ma face pendant que j'enregistrais André, qui était quand même nouveau dans le temps. Ouais. Puis on était sur le balcon ce soir-là, puis c'est un bon rec qu'on a fait ce soir-là. On a reçu le mic, puis on avait parlé de Fantasia ce soir-là. Oui, puis on a même regardé le porn de Guylaine Gagnon. C'était une excellente soirée. Mais... On n'a pas regardé le porn de Guylaine Gagnon. Mais tellement pas là-dessus. Ah, oh, j'ai même une photo. J'étais-tu du porn. Oui, t'étais là. T'as mais... une mémoire très sélective. Moi, j'aimerais mais... me pas me souvenir de ça. Mais l'entrevue avec moi et André, on est là, puis on est juste en train de capoter qu'on est rendu à l'épisode 20. Ouais. Puis on est là, puis on est en train de rire, puis je me rappelle un commentaire que je dis, c'est comme « By the way, on se fait pas payer avec pour ça, puis on fait ça par passion, fait que vous êtes pris avec nous autres, peu fucking importe. » Ouais, ouais. Puis je me rappelle juste voir André, je pose la question, on est rendu à combien d'épisodes? Il est comme 20. Puis il capote qu'on est rendu à 20. Puis man, mais c'est ça le Geek Collectif, c'est... On va juste continuer, puis on... Pas qu'on s'en crisse de le tout, mais saison 2 pour nous autres, c'est juste pour montrer... qu'on est juste là, man. Puis qu'on... vous êtes prêts avec nous autres parce qu'on n'a aucune obligation financière rattachée à ça. Peut-être à part d'aider un petit peu avec le hosting. Puis des affaires comme ça. Mais ça, c'est d'autres discussions. Mais on est... vous êtes prêts avec nous autres, guys. Puis c'est ça pour moi, saison 2. Vous êtes fucking pris avec nous autres. Rick va venir chez résumé. vous forcer à downloader l'épisode. Mais ouais. Hey, my God. Mais... Hey, moi, si on fait ça, l'affaire Rick là, de Twitch, là, je pourrais live... react à d'autres channels Twitch qui sont présentement live, genre Vintendo, je regarde puis Milter, je react à son channel. T'as un fucking PC, t'as plus d'excuses. Non, juste je le sais, man. Mais ça serait malade. Moi, je me rappelle dans le temps, j'étais comme la journée que Milter va avoir un PC, puis là on est rendu là, puis je suis comme, je pense que je suis pas prête. Ben, c'est pas si... Adam, hey, je pense à ça, saison 2, ouais. Pour le fun, on devrait-tu demander à Milter de faire un cover page? Parce qu'il y a 2. Un PC... Tu devrais commencer à faire des artworks. Tu te souviens de pas mal des sujets. Fais un montage comme t'as fait pendant nos premières. Comme les premières saisons. Oui, non, mais c'était excellent. Moi, là, ça, j'adorais ça. Puis en plus, regarder ça maintenant, je regarde juste la cover photo qu'il faisait. Puis j'étais comme. C'est... On a parlé de toute cette shit-là. Ouais. Fait que je pense que pour partir saison 2, je le call live là. C'est aucunement scripté, by the way. Non. Milter fait une bannière pour épisode 2. Épisode 1. Épisode 1 de saison 2. Exactement. C'est ça. Excuse. Moi, André. C'est quoi pour toi saison 2, André? Moi, saison 2, là, c'est... ça en représente en crise. Parce que c'est quand même 5 ans, puis de l'argent. Là, pour ouais, toi, là. Ben, de l'argent. Plus que nous autres, l'argent est déjà dépensé, oui, puis est déjà oublié. Je ne m'en rappelle plus. J'aime mieux plus m'en rappeler, finalement. La saison 2 représente pas mal d'affaires pour moi. C'est que moi, je trouve que on s'est perdu un moment donné dans le podcast où on s'est mis à... On n'avait plus d'invités, on faisait des shows garochés, on était moins préparés. Puis on était peut-être un peu moins... Oui, le show, on le fait pour nous, mais je trouve qu'on le fait pour les auditeurs aussi. Il y a du monde, Chris, qui nous paye, man, sur Patreon, qui nous aide à garder les lumières allumées. Puis il y a du monde qui nous suit depuis le temps. Puis je trouve que c'est de ramener le respect envers ces personnes-là qui s'investissent et qui sont avec nous dans l'aventure. Fait que pour moi, la saison 2, c'est respecter nos deadlines, c'est d'être dans notre 1h45 de show, c'est... de pas attendre 6 mois avant de releaser parce que j'ai du montage incroyable à faire parce qu'on est décousu, on se coupe la parole, on en... Tu sais, moi, c'est une deuxième chance qu'on se donne de faire un show qu'on... Tu sais qu'on se coupe la parole tant que ça? Pas ce soir, puis je suis fier. C'est moi qui le fais. Oui, mais tu l'as pas fait en même temps, fait que c'est ça qui est le fun. Fuck, ma joke a pas marché. Mais non, mais sans joke, je trouve qu'on a eu des shows incroyables. Tu sais, j'ai regardé le roster de la saison 1, là. Puis les 6 mois que j'ai édité... Qu'est-ce que le roster de la saison 1? Il était écœurant. C'est vrai qu'il était bon en tabarouette. Oh, arrête de taper sur la table, musti. Il n'y a pas de Mika Calis. C'est juste un clin d'œil à la saison 1 pour ceux qui ne savent pas. On a fait beaucoup de chemin en 6 ans et sans épisode. On a fait pas mal de stock. On a reçu du monde comme... Chris, man, on a eu un paquet d'invités qui sont quand même assez malades. Puis moi, je veux continuer ça. Puis je trouve qu'il y a plein d'autres passions au Québec qu'on peut faire découvrir. Puis le collectif, c'était ça au début. Puis c'est juste de jaser entre nous autres. C'est de découvrir du stock. Puis c'est de partager avec le monde. Puis je veux continuer de faire ça. Puis, tu sais, mes attentes envers la saison 2 vont être les super simples. C'est, je veux retrouver le feeling où c'est le fun d'enregistrer, mais faire l'édition, c'est pas une corvée non plus. L'épisode 100, je vais être honnête avec vous autres. Tabarnak, man! Ça, là, no joke, là, pis je lave mon linge, là. 6 de moralité pour moi, en passant. Pis c'est même pas ça. L'audio, il a crashé. J'ai récupéré l'audio. Le hard drive a crashé. Après ça, j'ai downloadé l'audio stream de Twitch. Le monitoring est tout croche, tout le kit. Je te jure, j'en ai mal dormi. Là, après ça, en plus, Pat de Geek Stuff, man, qui nous accueille là-bas. Pat, un gros merci pour ta patience. C'était incroyable. Fait que, tu sais... D'avoir enduré mon gars pendant 3-4 heures. Il est correct, ton gars. Il est sympathique, puis il pose beaucoup de questions. Ouais, il a Benjamin été coeur, hein? Non, ouais, mais c'est correct, tu sais. Puis, écoute, man, c'est un cool kid, là. Mais l'épisode, tu sais, je l'ai trouvé tellement chiant à monter. Puis c'était le running gag, puis le monde faisait des astuces jokes là-dessus. Puis au début, ça a l'air con. J'étais comme, ah, oh, ça va s'en venir. Après 6 mois que tu travailles là-dessus, puis t'as... Je l'aimais plus l'épisode, je le montais pas, j'étais comme, il me tape ses nerfs. T'étais curé de l'entendre. J'étais curé, là, tu sais, puis hey, c'est 3 heures de montage qu'il fallait que je m'endure, puis tu le quittes. Anyways, il est releasé, il est fait, la saison 1 est morte et enterrée. On se rappelle la saison 1, long live la saison 1, on a eu donnez des excellents moments. Donnez du love à André. Mais saison 2, pour moi, c'est ça, c'est que, tu sais, à soir, on va finir le show, là, je vais faire stop, je vais l'encoder en MP3, puis je vais le foutre en ligne, puis il va être releasé pour tout le monde qui puisse en profiter. Fait que pour moi, c'est un retour à la rigueur. C'est un retour à un produit beaucoup plus peaufiné, puis c'est un retour à un produit que je vais avoir un peu plus de sentiment de fierté. Je pense que tu l'as parlé, tu sais, j'étais un peu perfectionniste dans l'âme dans certains moyens. Non, le, tu dis? Le podcast, pour moi, j'ai toujours eu du fun avec vous autres, mais je veux continuer d'avoir du fun dans le produit. Tu sais, je veux un retour à la raideur, comme dit Will présentement dans le chat. J'aimerais dire 2 secondes. V'là, comme 8 ans, on était au magasin 21. André me comprend. Ouais. Puis on écoutait comme l'épisode 2 de Giant Bombcast. Parce qu'il y avait le drama de Jeff Gerstmann qui venait de passer à cause de fucking Kane and Lynch. Anyway, c'est une histoire. Puis je me rappelle juste que moi et André, on travaillait ensemble. André, c'était mon grand boss, puis on a juste connecté, puis je me rappelle, je vais toujours me rappeler du message que j'ai reçu de toi quand t'es allé en vacances dans le sud, je pense que t'étais drunk, je sais pas. T'étais André comme, drunk, jamais. T'étais comme, puis André m'a envoyé un message sur Facebook, puis il est comme, Eric, Dick on pic. Parle de podcast, quand je reviens de mon voyage, j'ai un plan. J'étais comme, ok. Puis 6 ans après... on est encore là, puis il y a encore un plan. Mais c'est con à dire. Mais non, mais moi, c'est chéri pour moi, ça, quand même, parce que pour moi, le Geek Collectif, commençant par le groupe, en fait, je pense que c'est le premier groupe que j'ai participé à. T'as fait ce recap-là dans l'épisode 100 en passant. Bon. ça fait tellement longtemps. Je suis fait que je radote. Non, mais ça nous mais c'est vrai, ça vient du cœur quand même. Là. Ça vient du cœur, moi, avec, parce que c'est partagé. Parce que... C'est ça le problème, on s'aime tout puis on connaît toutes nos vieilles histoires. Ouais, si on est des vieux qui radotent avec nos vieilles crises d'histoire. Mais, fait que c'est ça, fait que la saison. Ah, en plus, il est comme, tu l'as dit dans l'épisode 100, je l'ai écouté comme 20 fois, sacrément. 20, est-ce que tu l'as écouté pendant 6 mois de temps, Chris? J'en faisais des pustules. Mais, fait que c'est ça, fait que saison 2 du collectif, c'est parti. On a Max qui était avec nous autres aussi. Max, rapproche-toi, là, viens dans le micro. Je vais t'amener dans le câble. Bon, t'arrives, là. Lâche le chat, là. Prends le mic à Eric, là. Accote-toi sur lui, là. Puis dis-nous, là, qu'est-ce que tu t'attends de la saison 2, Max? Ben, c'est bizarre à dire parce que tout, qu'est-ce qu'on a dit à propos de la saison 2 que moi je voulais dire, on a été dit par tout le monde. OK. Fait qu'en gros. Fait que tu veux plus d'airtime dans saison 2 finalement. Ben, ça c'est sûr. Mais comme Guillaume il disait, il dit prendre tout le meilleur de la saison 1, la ramener dans la saison 2 avec du contenu peut-être plus clair, plus précis, moins botché parce que c'est arrivé souvent qu'on se calait un épisode de 2-3 jours à l'avance, on savait pas trop c'était quoi le sujet. Ça j'aimais ça. Une heure, deux heures avant, puis on s'est retrouvé à faire un épisode. On s'est quand même très bien débrouillé. Mais il faut s'entendre que c'était peut-être pas le mieux travaillé. Ah, t'as raison là-dessus. Puis honnêtement. Juste dans notre mode de communication, on s'est amélioré là-dessus. Comme, si mettons quelqu'un qui peut pas être là, moi je m'en viens pas être disponible, je suis plus averti une demi-heure d'avance. Ouais. On est tous ensemble à parler du sujet. On a peut-être pour 2 semaines à travailler. On trouve la meilleure. On fait un meilleur touch-up. Ça fait un meilleur épisode au final. Puis je pense que c'est là-dessus qu'on doit s'enligner pour avoir une meilleure saison 2. T'as raison, Max, puis honnêtement, c'est cool que tu sois dans l'équipe aussi, parce que à soir, t'as rocké le chat comme ça se peut pas. C'était juste le fun, honnêtement. C'est le fun à chaque fois que t'es dans les épisodes aussi. C'est sûr, c'est encore nouveau pour toi, fait que c'est de se réhabituer. Exact. Mais c'est de te donner la chance aussi d'avoir un bon environnement pour pouvoir t'épanouir dans le podcast. Ça a l'air niaiseux, mais si on se coupe moins parole, si on se prépare plus d'avance, mais ça va te permettre de pouvoir aussi... arriver plus préparé puis prendre la confiance aussi en arrière du micro. Fait que, honnêtement, je suis content que tu sois dans le team puis on va continuer de même pour les prochains épisodes, c'est sûr et certain. Yes, sir. Cool. Merci, Max. Ben, merci à vous. Juste dire un merci, Max. Juste dire un shout-out à Johnny qui est dans le chat, qui a aussi participé et qui était membre de l'équipe, qui est dans notre chat. Puis il a raison parce qu'on a fait 2 années au Comic-Con à Ottawa. Ouais. Dans les suites. On est dû pour au moins une autre ou 2 autres ou 5 autres bonnes rondes de ou ça. Peut-être dans les Comic-Con de la Nouvelle-Angleterre. Ouais, les Comic-Con de la Nouvelle... Non, mais c'est parce qu'il y a de quoi de les suites, Guillaume. Ouais, j'ai pas connu ça. Tu vas vivre les suites à un moment donné. Mais toujours Johnny apporte une excellente histoire là, où que on est revenu de notre première année ou deuxième année, puis moi j'avais mon sac que j'avais bourré, puis j'avais une t-shirt de Duck Hunt qui était achetée par ma grand-mère qui me tenait à cœur. Puis ta grand-mère ou le t-shirt? Ma grand-mère m'avait acheté les 2. Puis j'avais oublié mon sac. Il s'en allait dans un t-shirt. Quand je me suis fait dropper, puis je m'en allais chez nous, j'ai pris un autobus, puis j'ai oublié tout mon sac avec tout mon shit dedans. Puis je vais toujours me rappeler que j'ai oublié le sac dans l'autobus, puis j'avais plein de shit dedans. Puis Johnny qui. Ben, anyways, Nick. Je dis Johnny Tabarnak, là, mais c'est Nick. Mais il était en chat avec Johnny Tabarnak. Mais j'avais perdu mon shirt, tout ça, puis c'est la grosse merde, j'avais perdu mon sac, toutes des affaires comme ça. Puis ma femme est venue me chercher, Julie est venue me chercher, on a couru après les autobus, on n'a rien trouvé. Puis je vais toujours me rappeler que le lendemain ou le jour d'après, j'étais plus triste de mon t-shirt. Puis t'avais Nick, que je venais à peine de commencer à connaître à travers d'André, que si tu connais sur Facebook, des fois il est pas très très reprochable sur Facebook, mais c'est une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées dans ma vie quand ça apprend à le connaître. La première affaire qu'il m'a faite, c'est qu'il m'a confirmé qu'il m'avait commandé une nouvelle t-shirt pour moi. Non, Chris de mon Jackson. Puis ça m'avait tellement touché. Puis j'ai eu ma deuxième t-shirt. Mais cela dit, le jour d'après, je reçois un appel de fucking STM parce que j'avais un tag avec mon numéro de téléphone parce que je fais souvent des voyages en Ontario. Puis quelqu'un avait reporté mon sac. Ça, c'est malade, man. Mais j'avais 2 t-shirts maintenant. Mm-hmm. Mais une qui a été achetée par Nick. Puis Nick... qui était... T-shirts avec des significations quand même vraiment nice. Pour moi, ça me tient à cœur, ces significations-là, mais ça m'a toujours rappelé que je me considère très chanceux parce que quand je suis arrivé à Montréal, je connaissais pas bien du monde, j'ai pas fait bien des amis, j'étais dans ma bulle, puis ce podcast-là m'a fait finalement ressortir de ma bulle que j'étais tellement rentré dedans. Puis là... Puis j'ai fait plein d'amis, puis je suis capable de... Crazy Wild, t'es plus contrôlable. Ouais, je fucked up, là. Blame the podcast. En fait, oui, blame André. Et dans le fond, ce qu'il allait nous dire, c'est qu'il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas de DJ Eric. Clairement. Ben, écoute, non, non, mais ça, ça je reconnais. Il n'y aurait pas de DJ podcast. Ouais. Il n'y a pas bien des affaires. Fait que, guys, saison 2, épisode 1, that's a wrap. Yeah. Hey, on l'a fait. Hey, attends une seconde. André avait dit 1 minute 45 tantôt. 1h45. 1h45. Fait que là, il me reste le wrap-up. Chris, on est dans les temps, c'est malade. Fait que, premièrement, là, à soir, là, ce que je voulais faire, là, c'est que. Je vais prendre le temps de remercier les auditeurs. 100 épisodes, 101 à partir de quand vous l'écoutez là, soit live sur Twitch. C'est en le passant, party. Eric Salvaille vient de dire allô. Eric Salvaille is back. Fait que dans le fond, là, gars, c'est super simple. C'est que 101 épisodes de collectif, 6 ans de collectif, on est encore là. On repart pour la saison 2. Il y a du gaz dans les tanks. Ça va être excellent. Ça va être le fun. Des invités, on va en avoir. Des shows, on va en avoir. On va-tu déraper quelques fois? Certainement. Mais on s'engage avec vous de rester là, de vous faire un show de qualité et de vous réoffrir du contenu sur une base assez quotidienne. On veut remercier les auditeurs. Ce soir, je veux remercier Commander Root, Zachary, Cossé, c'est ça? Et Francis Outlook qui ont followé le channel sur Twitch. Honnêtement, vous êtes vraiment cool, guys. Merci pour vous, ça nous aide beaucoup. Pour les gens qui écouteraient présentement le podcast en format audio, ben les enregistrements se font live sur Twitch. On a une chaîne sur twitch.tv/GC Podcast qui nous permet de diffuser avec vous. Pour ceux qui écouteraient le podcast et qui voudraient nous aider, donc qui voudraient contribuer, nous aider à garder les lumières ouvertes, ben il y a un moyen de le faire qui est vraiment accessible pour un paquet de personnes. Vous avez peut-être un compte Amazon Prime présentement. Puis vous n'êtes peut-être pas au courant que vous pouvez le linker à un compte Twitch Prime qui vous permet de vous abonner gratuitement une fois par mois à une chaîne. Ben, en vous abonnant aux chaînes des gens, vous allez leur permettre justement de recevoir certaines donations, certains sous qui vont les aider à les remercier pour le contenu. Donc, si vous écoutez le collectif, vous avez un compte Amazon Prime, vous n'utilisez pas Twitch Prime encore, puis vous êtes intéressé à nous aider et à nous soutenir dans notre aventure, ben, vous pouvez aller subscribe. Dans le fond, vous linkez votre Amazon Prime à Twitch Prime. Ça coûte rien, ça. Vous allez sur le Geek Collectif, ça vous coûte rien. C'est déjà inclus dans votre Twitch, dans votre Amazon, je radote, hein? Mais c'est déjà inclus dedans. Vous avez juste à vous abonner sur le compte du collectif, puis nous autres, ça va pouvoir nous aider. Également, les gens qui n'ont pas d'Amazon Prime, mais que ça leur tente de nous donner quelques sous, vous pouvez le faire comme par l'entremise du Patreon, justement, que ça vient d'être demandé, mais Eric Salvaille dans le Twitch. C'est-tu le Eric Salvaille? On le sait toujours pas après 6 ans. Mais vous pouvez aller sur patreon.com et c'est Geek Collectif le podcast. Vous pouvez faire la recherche, puis vous allez pouvoir nous donner quelques sous. Ça sert à quoi cet argent-là? Ben, ça sert à payer l'hébergement audio. Ça sert à payer également, ben, nous aider à rembourser l'équipement tranquillement, pas vite. Ça, j'ai pas mal abandonné le projet. Je suis sûr que ça n'arrivera pas. Ça sert à payer. Non, ça non. sert. Non, c'était, ça, hey, c'était remboursé ça, ça... en plaisir. Oui, ça a été remboursé en plaisir. Ben, le pire, c'est que oui, j'ai eu du fun. Puis c'est pour ça que j'ai arrêté de le calculer. Mais ça nous aide surtout à garder les lumières ouvertes. Mais si vous voulez vraiment aider le projet, ben, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est utiliser votre monnaie sociale. Vous pouvez partager sur Facebook, partager sur Twitter, partager sur Untapped/Snapchat/ n'importe quoi, nous hoster sur Twitch quand on diffuse, mais sans joke, faites juste augmenter la connaissance du collectif, faites écouter un show à quelqu'un pendant que vous montez à Sorel en char, si vous partez au réservoir à Gouin à la pêche, ben amenez une couple d'épisodes dans votre iPhone. Pour du saumon? Pour les du saumon. Saumon aime ça. D'Éric les attire. La voix d'Éric attire le saumon, donc... Ça, c'est une dingue, Eric. C'est pas pareil. Fuck, c'est malade, ça. Mais en réalité, c'est ça. Faites juste recommander l'épisode à quelqu'un. Laissez-nous une cote de 5 étoiles ou plus sur iTunes. J'allais à 4 étoiles, tu sais, on les accepte pareil. Vous pouvez même dire que je suis une merde sur iTunes, mais laissez 5 étoiles, je m'en fous. Exact. J'ai aucun problème avec ça. Mais en gros, faites juste augmenter l'awareness. C'était mon segment assez suck up, vous demandant de nous aider là-dessus. Mais, guys, c'était un énorme plaisir de refaire ça pour la 101e fois avec vous ce soir. Fait que pour les gens qui voudraient suivre le projet, nous sommes Geek Collectif le podcast. Vous pouvez aller sur facebook.com/geekcollectif le podcast. Vous pouvez aller sur geekcollectif.com et vous pouvez aller également sur @geekcollectif sur Instagram et Twitter. Joe, les gens qui voudraient te suivre, on fait ça comment? Facebook, trouve mon nom. Tu peux aller dans Fortnite Québec, je suis quelque part là. Sur Twitch, Zombie Milter, si vous voulez me follower. Pas mal lien que ça. Je fais les autres affaires, ils le trouveront. On va aller plugger une autre fois. Parfait, ben écoute, puis le pire, c'est que tu réponds quand même assez rapidement. Oui, j'ai un 100% response time sur ma fan page. que tu administres de messages toi-même. Que j'administre avec moi-même moi. Avec Eric. Des fois, c'est Eric qui répond pour moi, puis je suis comme, ouais, qui dit ça au monde, genre. Mais c'est pas grave, je le laisse aller. Puis, merci, Joe, d'être encore avec nous autres pour la saison 2. Puis il y a de quoi de. Ah oui, c'est vrai. Oui. Je m'occupe de la page, même si vous autres. Hey, non, je t'ai pas plugué, okay. Je sais exactement ce ben, que tu fais. Vas-y, bon, je te laisse ce plug-là, là, parce que je me fais bien du fun avec cette page-là, à date. Fait qu'Eric, les gens qui voudraient interagir avec toi, je suis Super Review, Arcade MTL, Geek Collectif le podcast. Vous m'avez vu aussi sur l'excellent Arcade Piquant, mais je veux faire un special plug de la page que Milter parle de, du New Jersey Ninja Mutant Hacksaws. Mutant Ninja Hacksaws, c'était le spoiler, mais on a la chance. En fait, c'est une excellente histoire qui va prendre 2 secondes à raconter. Éric Lafontaine, que j'ai eu la chance avec des commissions des geekers, respect. J'ai eu la chance de jouer du D&D avec lui il y a une couple d'années. Puis quand il a décidé de refaire sa première game où ce qu'il est Dungeon Master, il en live, streaming, sur Hangout, il est vieux, il est vieux comme moi. Là. On va l'amener à Twitch. Mais j'ai eu la chance d'embarquer là-dessus. Puis la première soirée, il nous manquait une personne. Puis je pensais que je partageais le lien du live dans notre chat du podcast. André a cliqué sur le lien par accident. En mangeant des chips. Je pense, non, en fait, l'histoire, c'est que t'as cliqué dessus sur le bol, puis après ça, t'as réalisé qu'est-ce que t'as cliqué dessus. Oui. Fait que t'es venu dans ta salle de... Non, mais en fait, je savais pas que c'était le... Moi, j'ai cliqué sur le bol, j'ai fini, puis là, après ça, j'étais arrivé ici, j'ai fait « fuck it », m'a écouté sur l'ordi, j'ai cliqué, je mangeais mes chips, j'avais lavé mes mains, puis la première chip que je croque, là, je réalise que je n'écoutais pas le podcast. Je suis dans le podcast. Puis, on avait eu Naomi Paul qui jouait sa personnage Ramona Flower qui s'avait monté un petit peu. Puis, on a un genre d'aventure D&D qui se passe au New Jersey des années 90 avec une histoire à la Karate Kid. 4 juillet 99. C'est assez mental comme histoire. Éric Lafontaine, c'est un D&D de fou. New Jersey Mutant Ninja Hacksaws. Mais le Mutant, tu l'apprends à la fin de l'épisode 2. Exact. Mais qui est l'épisode 1, en fait. Ouais, qui est l'épisode 1, parce qu'il y a un épisode 0, c'est vrai. Mais c'est un excellent D&D en live qu'on est très fiers de. Que je sais qu'André, maintenant, il est très heureux de participer avec. Milter, il a très hâte de peut-être faire la page. Mais c'est un super de bon produit que je vous suggère de checker. Les liens vont être à quelque part. On les met sur le site. On va s'arranger. Mais c'est un D&D de fou que je vous suggère. C'est le seul D&D que tu vas voir... Un chat se faire utiliser comme genre de weapon weird, mais qui se fait tuer par accident en avant d'une foule, puis que t'as André dans son personnage qui convainc la foule que le chat est correct. Même s'il est clairement brisé. En roulant un 7, qui est clairement un échec. Anyways, c'est ça mes affaires. Mais Geek Collectif for fucking life, je suis une personne très heureuse et très reconnaissante de la chance de participer à ce projet-là avec tellement des personnes incroyables. Merci Eric. Guillaume, les gens qui voudraient te suivre? Tout simplement, aller au guillaumehamel.com, mon site personnel / blog. Motherfucker! Qui n'est pas très, maintenu, je devrais dire. Je cherchais le mot. Pas obligé de le dire, ça. La c'est pas grave. Juste dire que t'as un point .com. Dude, drop that dick on the table. Non, merci. Boum. Mais... Dick swing, guillaumehamel.com. Mais les nouveaux projets, les nouvelles choses vont être apparues là-dessus. Sinon, guycollectif.com, c'est là-dessus que je travaille quand j'ai un peu plus de temps. Perfect. Max, les gens qui voudraient suivre et te parler, on te rejoint où? Moi, c'est très simple. On recherche Maxime Gagnon sur Facebook, Dougitaris ou MaxPerdu_411 sur toutes les autres plateformes de jeux vidéo ou de blog ou Twitter. Puis vous devriez avoir ma bête dessus. C'est moi. Cool, merci Max. Les gens qui voudraient interagir avec moi, mon nom c'est André Paquette. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Sinon, Ouzou Maki QC sur Steam, Instagram, Twitter, BattleNet. BattleNet, Xbox, PSN, anyway, partout. Switch. Sinon, Switch, oui, Switch. Oui, ben, j'ai réussi à créer. J'ai pas de Switch, mais j'ai créé un compte Nintendo. Okay, c'est super bon. Fait que, guys, honnêtement, c'était un plaisir de podcaster avec vous ce soir. Et sur ce, on se revoit dans 2 semaines pour l'épisode 2 de la saison. Oh shit. Épisode 2, saison 2. Tu l'as fait, hein? On l'a fait, on l'a livré, ça s'arrête live là. Fait que, guys, un gros merci. Et si c'est pas déjà fait, on vous invite à follow la chaîne sur Twitch. Bonne soirée, guys. Take care. Ciao, ciao.